Discussion en conscience avec Olivier pour le mois de janvier de l'année 2021. Donc ici David au micro et je suis présentement en compagnie d'Olivier. Donc ça va bien? Très bien toi-même? Oui, ça va bien pareillement à ce début de nouvelle année. Et c'est sûr qu'on avait déjà discuté ensemble là, depuis plusieurs mois. Je pense que la dernière fois on avait discuté ensemble, c'était l'automne passé, parce qu'une fois de temps en temps, là, tu fais un passage là, sur les ondes de ma chaîne YouTube. Et puis, c'est sûr que je te dirais que depuis la dernière discussion, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'actualité, à la fois locale, internationale, en lien entre autres avec la crise du coronavirus, COVID-19. Et d'entrée de jeu, je voulais t'entendre sur la mesure du couvre-feu nocturne obligatoire qui a été mis en place ici au Québec il y a à peine quelques jours. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça dépend. Si je le regarde de différentes façons, je te dirais que objectivement, c'est bon parce que ça permet d'encore plus augmenter, si on veut, la restriction des libertés sur les individus, puis ça va en pousser de plus en plus à peut-être essayer de voir s'il n'y aurait pas des meilleures solutions que constamment brimer la population, puis s'il n'y aurait peut-être pas une solution alternative. Mais ce que je vois présentement, c'est beaucoup de divisions. D'une part, des gens qui accusent les gens d'être des covidiots, des gens qui respectent pas les mesures. Mm-hmm. Puis d'une autre part, ben on traite les gens qui disent ces propos-là de moutons, de gens qui suivent le narratif des médias. Mais essentiellement, moi, ce que je remarque là, dans les villes aujourd'hui, c'est qu'on manque beaucoup de vision. T'sais, on a l'air de... Mais juste t'en revenir sur quelque chose, parce que je voulais t'entendre. Pourquoi tu dis, objectivement, il y en a qui disent que c'est bon? Mais non, mais c'est bon parce que c'est une augmentation de plus sur la bulle de l'individu. Ça restreint de plus en plus la liberté. Mais c'est justement, pourquoi que c'est bon que les libertés individuelles soient restreintes? Ben parce que les gens vont aller voir au-delà. Parce que quand que la souffrance de la privatisation des droits des individus va être plus forte que la peur du virus, là, ça va commencer à faire basculer la personne dans un questionnement. Mm-hmm. À voir, bon, t'as peu, là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, là, tu sais, moi, c'est trop pour moi. Chacun va atteindre sa limite à un point ou à un autre dans le temps, là. Ben, c'est ça, qu'il va y avoir sans doute un point de bascule où les gens, lorsqu'ils vont se sentir trop brimés dans leur liberté, qu'à un moment donné, ils vont éclater, là, ils pourront plus se contenir. Ouais, puis tu sais, j'espère que ça ira pas vers la violence, parce que c'est exactement ce qui semblerait être voulu, on dirait presque, c'est d'attiser la haine. Tu sais, la haine, la division de la gauche puis de la droite aux États-Unis, puis ici, le pour et le contre des mesures, c'est toujours une espèce de grosse polarité qui est très forte de chaque bord. Mm-hmm. Puis qu'il y a des vérités dans chaque côté, mais s'il y a un individu qui est plus polarisé dans un côté plus, mettons, médiatique versus le côté, on va dire, complotiste, ben là, il y a une perte de crédibilité dans les deux mesures. Fait que ce qui est important, moi, je pense, c'est pour ceux qui sont capables, c'est de prendre du recul, puis de regarder, puis de voir, bon, qu'est-ce que moi, je peux faire concrètement pour me libérer un peu de ça? Puis moi, je me concentre là-dessus, parce qu'à l'échelle collective, il n'y a absolument rien qui peut être fait. Ça fait partie d'un temps, ça, ce qu'on est en train de vivre. Mm-hmm. Puis on était dû pour un changement. Les gens veulent revenir à la normale, mais la normale, c'était pourri. Tu sais, je veux pas être plate, mais une société de surconsommation qui gaspille, qui vit à travers les médias sociaux, qui est déconnecté du corps, déconnecté de la nature de plus en plus. Je dis pas tout le monde, bien sûr. Mm-hmm. Mais c'était pas quelque chose qui était viable à long terme. Donc, un choc, comme dans la vie d'un individu, je te donne un exemple d'un sportif qui mm-hmm. est un petit peu trop motivé dans sa discipline, puis il finit par se blesser, puis la vie l'arrête, puis il dit « Hey, t'as peu, là, check. Ça marche pas, faut changer de cap. Faut retravailler, faut reconstruire, faut créer quelque chose de nouveau. » Puis là, on est à l'apogée de ça, semblerait-il. Oui, ben c'est sûr que par rapport à l'époque présente où les gens sont amenés, à cause des mesures de confinement, à rester chez eux dans leur cocon, il y en a peut-être un peu à l'image de la fameuse métaphore là, de la chenille qui devient le papillon, qui vont connaître une transformation intérieure dans le confinement de leur domicile, un peu comme la chenille qui tisse son cocon pour devenir papillon, puis Ensuite, devenir un être nouveau, un être différent qui était au préalable. Donc, l'être qui était rampant sur la Terre, qui, en tant que chenille, se développe à travers le cocon pour devenir un papillon qui prend son envol, qui développe des nouvelles capacités. C'est peut-être le cas de certains individus qui, à travers cette période de confinement, d'isolation, vont s'intérioriser à un niveau beaucoup plus grand qu'ils le connaissaient avant cette période. Moi, je vois pas ça dans mon environnement pantoute, là. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai discuté sur Internet avec quelqu'un qui a découvert là, au début du confinement là, où, les enregistrements de Bernard de Montréal, Yannick, avec lequel j'ai fait un entretien. Puis depuis ce temps-là, il fait des entretiens avec des gens, puis il se développe à travers la parole. Fait que moi, j'ai l'impression que certaines personnes qui vont, à travers la période présente, se développer à un autre niveau. Oh, mais très peu, là. Ah, il n'y en aura sans doute pas des millions, là. Puis écoutez, Bernard de Montréal, là, ça n'a rien à voir avec rien, dans le sens que Bernard de Montréal a fait un travail de venir parler ici, comme tout le monde parle ici. Ben, attends une Puis, minute, il y en a beaucoup qui jasent. oh oui, mais tout le monde parle à son niveau, tout le monde est dans un processus évolutif, puis dit toujours Ben, ça le mieux qui dépend. s'est capable de parler. Ça dépend. Les gens parlent toujours le mieux. Il y en a pas qui. Ça dépend. Il y en a qui sont pas aussi vibratoires que Bernard, là. C'est évident. Mais ça n'a pas d'importance s'il est vibratoire ou non. L'important, c'est toi, est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce que tu fais ce que tu peux? Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour avancer dans la direction que tu veux avancer? C'est rien que ça qui compte. Le Bernard de Montréal, il avançait. Puis ici, la seule chose qu'il faut retenir de cet homme-là, c'est qu'il faut toujours avoir la force de passer à travers les épreuves. C'est tout, là. Puis tu sais, moi personnellement, je vois beaucoup de gens qui sont dans le déni. Parce que justement, la charge émotive à gérer de réaliser qu'il y a quelque chose derrière ça qui est plus, si on veut, macabre que ce qui est présenté, c'est trop à prendre. Ben, et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, de me charge macabre, peux-tu clarifier? Ouais, ben j'utilise un gros mot, mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est que ça va, c'est pire que de ce que ça a l'air. Dans le sens que le monde, la plupart des gens, ils ont l'espoir, ah, c'est juste un mois. Mais ils oublient toujours que c'est plus. Oui, Fait que ben. ça, c'est que ça vient, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se déroule. Tu sais, depuis presque un an, il y a de la lourdeur. La lourdeur augmente. La division augmente. Les problèmes augmentent. La dette augmente. Tout augmente. Oui. Fait que ceux qui pensent que c'est temporaire, ben, ils réalisent pas la charge accumulée, puis la charge qui continue à s'accumuler. C'est pour ça que je veux dire que c'est beaucoup plus lourd que ce que les gens sont capables d'entretenir dans leur esprit. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'ils vivent un certain déni. Ils disent, bah non, c'est pas si pire, on aide les autres, puis on sauve des vies, puis ci, puis ça. Puis finalement, ils réalisent pas que les gens qui sont en train de décéder présentement, c'est des gens qui sont déjà proches de leur heure de décès. Puis, une autre affaire qui est pire là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on a consulté ces gens-là? Ceux qui sont sains d'esprit, il y en a qui sont sains d'esprit, des gens âgés. Puis, est-ce qu'on les consulte? C'est toi, tu vas mourir bientôt, là. Qu'est-ce que tu préférais vivre comme reste de vie? Est-ce que tu veux vivre encloîtré dans ton mur pour sauver 2 ans ou est-ce que tu veux voir tes enfants puis profiter du temps qui te reste? Ben, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient profiter du temps qui reste parce qu'à cet âge-là, à un moment donné, tu développes une certaine sagesse que tu vas mourir anyway, puis que Exact. l'important, c'est de vivre. Exactement. Moi, personnellement, je laisserais ça au libre choix des individus concernés, s'ils sont prêts ou non d'assumer le risque de rencontrer des gens et être potentiellement contaminés, tu sais. Quand tu arrives à cette conclusion-là, ça t'amène après ça sur dire, ouais, mais dans le fond, si on voudrait notre bien, on nous le demanderait. Mais personne ne nous demande quoi que ce soit. On nous impose Ben, absolument tout. c'est ça. Puis il y a une escalade dans les mesures parce que le gouvernement a une stratégie de gradualisme, c'est-à-dire graduellement, on met en place une mesure puis une autre. Puis là, le confinement, cette fois-ci, c'est une espèce de version que le gouvernement appelle même traitement choc, où là, on est rendu avec un couvre-feu qui fait en sorte qu'au Québec, entre 20 h le soir et 5 h le matin, les gens n'ont pas le droit de se promener sur la rue. Puis moi, j'ai l'impression que l'escalade dans les mesures, c'est pas fini. Tu sais, en Europe, il y a des endroits que c'est pas 20 h, c'est 18 h. Fait que Mais là, il faut comprendre que oui. derrière cette mesure arbitraire-là imposée sur la province au complet, en tout cas à l'exception de certains endroits, j'imagine, Ben, c'est le grand nord du mais Québec, mais il y a des endroits comme la Gaspésie où il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont obligés de respecter ça. Même chose en Abitibi, tu sais, c'est comme pas logique, là. La personne est proche de la forêt, puis tu dis. c'est pas logique quand tu le regardes dans les médias, mais quand tu regardes la réalité, c'est qu'il y a très peu de ces lois-là qui sont appliquées. c'est appliqué dans certains cas extrêmes où est-ce que les gens résistent vraiment les mesures, mais de façon arrogante. Parce que moi, j'en ai beaucoup d'amis qui sont policiers, là, ici dans la région. Puis je parle avec eux autres, c'est des bons amis à moi, puis ils me disent toutes sortes de choses. Puis ils nous disent tout le temps que quand ils donnent des tickets, ils donnent des tickets parce que les gens, ils les ont vraiment mérités, là. Tu sais, t'as des personnes qui vont dans le Super C, puis qui commencent à lancer des paniers d'épicerie dans les murs, puis disent « je porterai pas mon masque », puis tout, ben, ils l'arrêtent, cet homme-là, parce qu'il est en train de perdre le contrôle, puis créer du désordre civil. Fait que ça, c'est une bonne façon, Non, non, tu mais sais, je de... regrette qu'il y a quand même eu des abus. Tu sais, j'écoutais aujourd'hui, tantôt, avant notre discussion, la vidéo du citoyen libre, citoyen lucide, pardon. Je la mettrai en ligne, puis lui expliquait que, mettons, la police a donné une contravention à Montréal à un itinérant. Tu sais, la. Oui, mais t'es... Ouais, mais c'est... Oui, OK, oui. Peut-être que moi, je ne suis pas là. Fait que moi, les médias, là, il y a tellement de mensonges dans les médias que croire textuellement ça, je peux pas. Par contre, si c'est vrai, cet itinérant-là, tu veux qu'il fasse quoi? Il s'en foutu, tu penses, du ticket? Ben, T'sais, c'est ça, c'est parce que ça va t'as briser. rien à perdre, t'as même pas d'adresse, t'as pas de numéro d'assurance sociale, t'es genre un nobody qui vit dans la rue. Qu'est-ce que tu veux que le gouvernement... C'est ça que j'essaie de te Ben, dire. pour moi, c'est un C'est manque qu'il y a de une grosse jugement marge. Ben flagrant oui. d'en donner une contravention à un itinérant parce qu'il est plus tard que 20 heures. Tu vas le criminaliser pour rien, puis tu vas briser le peu de lien qu'il y avait déjà avec la société. Ouais, mais c'est ça le but. Ben, écrit, Indirectement, ça fait des années qu'on fait ça. Depuis qu'on est war on drugs aux États-Unis, on a juste augmenté le taux de criminalité, la drogue, les gens en prison. Quand on commence à se battre, là, le gouvernement utilise toujours la police pour imposer des mesures, des lois. Puis il va y avoir des policiers qui vont les appliquer, puis d'autres qui vont les appliquer un petit peu plus avec discernement. Ils vont exercer Puis leur ça dépend. pouvoir discrétionnaire. Moi, à Montréal, ça m'étonne même pas qu'il y ait eu un itinérant qui se soit fait donner un ticket. Parce qu'à Montréal, le niveau de stress doit être tellement élevé présentement, là, ça doit être épouvantable. Puis les éthers de Montréal, ça doit être invivable. Certaines personnes sont habituées à ça, tant mieux pour eux autres. Mais pour moi, je parle personnellement. Fait que ça serait pas dur pour moi de croire qu'il y a des gens qui sont à bout. Puis il y a toutes sortes de comportements erratiques qui se produisent à cause de ça. Puis moi, personnellement, le truc que j'ai trouvé depuis 10 mois, c'est de rester low profile. Plus t'es low profile, moins tu respectes les mesures, personne t'en parle, il n'y a jamais de problème, tu continues à être libre. Mais on dirait que les gens préfèrent débattre, puis s'obstiner, puis avoir raison, que de juste se donner eux-mêmes la liberté en respectant les mesures, mais d'une façon un petit peu comme désobéissante. Sans te faire pogner, tu sais, parce qu'essentiellement, si t'es pas malade, tu fais attention, tu te promènes, là, oui, tu te laves les mains, mais après ça, tu sais... Dans une allée d'épicerie, tu enlèves ton masque, puis tu regardes des produits, puis tu vois que quelqu'un est traumatisé à côté de toi, tu le remets. Puis là, il s'en va, tu l'enlèves. Fait que tu sais, c'est comme un... répondre à des besoins, là, sur du cas par cas, où est-ce que tu es, dépendamment de ce que tu fais. Moi, je pense que c'est de même qu'on va se libérer, parce que si on attend un sauveur ou quelqu'un qui va nous sortir de ça, si on avait eu à en avoir un, il serait sorti il y a longtemps, là, parce que il y a personne qui peut nous sortir de notre idiotie. Non, non, c'est sûr que moi, je n'attends pas de sauveur, là. Ça, c'est clair. Il y en a qui ont vu dans Donald Trump le sauveur qui allait faire le ménage par rapport à l'État profond pour freiner l'ardeur des mondialistes. Mais, tu sais, il y a pas de solution miracle. Puis moi, je ne mets pas personne sur un piédestal. Puis je suis disciple de personne, là, tu sais. Exact. Ben, ça sert à rien de toute façon. Exactement. Fait que, mais le point par rapport aux mesures, parce que dans le fond, à l'automne passé, lorsque je faisais des enregistrements, puis je disais, regardez, là, en France, il y a un couvre-feu, ça peut arriver au Québec. Puis là, les gens me disent, ah, mais toi, tu capotes, t'exagères, puis t'écoutes des sites des vidéos complotistes, mais pourtant, c'est arrivé, là. Je veux dire, c'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, on est rendu avec un couvre-feu au Québec. C'est pour ça que c'est important de fermer sa gueule. Parce que qu'est-ce que tu dis en public? Si tu fais trop de prophéties ou tu fais trop de voyances de ce qui s'en vient, tu traumatises le monde. Puis les gens sont pas capables de contenir la possibilité que. Parce qu'il s'agit pas de dire, ah, David Lévesque a dit qu'il allait avoir un couvre-feu. Soit il n'y a pas rapport, c'est un complotiste, ou soit il a raison. Faut que tu aies assez d'identité pour dire, je regarde où est-ce que ça s'en va, il y a une possibilité. Mais tu n'es pas dans la croyance, tu es Non, juste dans non, je oui. demanderai jamais aux gens de me croire, puis je rappelle souvent dans le cadre de mes enregistrements, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même, justement, pour Ouais. pas qu'il y T'as ait de beau la. dire ça, le monde, ils vont croire ou pas croire, pareil, tout ce qu'ils entendent. C'est pas eux qui décident ça. C'est leur niveau d'intelligence puis de discernement. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui sait pas. Puis s'il entend quelqu'un qui parle bien comme toi, qui exprime des choses intelligentes, ben il va dire cette personne-là, c'est une autorité. Moi, je le vois dans les commentaires que tu as des gens qui n'ont pas d'identité. C'est pas pour mal faire, mais dans le sens que tu vois qu'ils sont accrochés à une certaine idéologie qui est, oui, très avancée, mais qui est quand même pas ton identité à toi. Mais Parce qu'il faut que tu aies la capacité de je comprends générer. ce que tu veux dire, mais j'invite les gens à se développer eux-mêmes sur le plan individuel régulièrement pour les ramener à eux-mêmes. Parce que moi, je ne cherche pas à avoir une horde de disciples derrière moi. Ben, j'ai jamais dit ça non plus. Bon, parfait. Mais les gens vont se discipler pareil. Mais en fait, les gens, moi, mon côté, la partie qui m'appartient, je les ramène à eux-mêmes. Je dis de ne pas me croire, puis je leur dis, écoutez-vous d'abord. Fait que là, s'ils ne comprennent Ouais, pas, là. t'as signé ta partie du contrat. Mais Exact. moi, mon expérience me démontre que les gens, même si tu leur dis non, tu sais, écoute-moi qu'un grain de sel, prends pas 100% de ce que je dis pour la vérité. C'est Fais ça. juste écouter ce que je dis puis voir s'il y a quelque chose qui te parle là-dedans. Puis les gens, ils vont croire parce qu'il y a un magnétisme. Quelqu'un qui s'exprime bien, il magnétise le mental de l'autre, un peu comme on voit en ce moment. Des autorités au pouvoir disent des choses et magnétisent quelque chose dans le mental de l'homme. Puis en étant magnétisé, ben la personne soit est en polarité négative ou positive avec le point de vue. Puis tant et aussi longtemps qu'elle est là-dedans, ça veut dire qu'il y a un conflit sous-jacent dans l'individu qui n'est pas réglé. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens étudient. Tu sais, si t'es pas bien tout seul, pourquoi t'es pas bien tout seul? Tu sais, fais des recherches. Passe plus de temps à générer quelque chose tout seul, ou si tu entends de la marde dans ta tête, ben écoute-la puis traite avec. Mais c'est tout un processus qui semble se faire dans le temps. Puis là, comme on voit, c'est que plus la pression augmente, plus ça cuit. Puis quand ça va être cuit, ben ça va être cuit. T'sais, il y a une limite à tout, là. L'esprit, ça va jamais se faire passer des conneries comme ça, là. C'est impossible. Ben, Ça peut prendre 200 ans. T'sais, il ouais. faut être capable de contenir le temps parce que s'il y a des gens qui pensent que. On est sorti de ça d'ici 2022. Lâche pas, là. Non, mais de toute façon, même si la contamination du virus arrêtait demain matin, les conséquences économiques, juste à ce niveau-là, en termes de rattraper le développement économique au niveau du PIB, produit intérieur brut, on en a pour des années, là. En fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un réel problème économique. Le problème économique, c'est que l'argent est dans les mains de très peu, puis que l'argent n'est pas en circulation. S'il y a trop d'argent qui flotte dans des produits dérivés, puis dans des marchés financiers, puis qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans le système matériel, dans le sens de des emplois, des gens, des jobs concrets où ce que tu travailles, où ce que tu crées, si cet argent-là n'est pas influé, si on veut, ou injecté dans l'économie, mais de façon neutre, pas de façon où ce que on a investi 100 millions pour les Québécois en emploi, finalement, tu as donné ça à une compagnie de bois ou de pétrole ou Ou minière ou deux, quelconque. trois multinationales. Ouais, non, pas ce genre d'investissement-là économique. C'est de, mettons, comme en ce moment, là, si tu avais l'argent était redonné comme. Parce que quand en 2008, il y a eu la crise économique, si les banques. Les banques vendaient des produits dérivés finis qui votaient contre eux dans les marchés financiers avec des credit default swaps. Fait que ce qui est arrivé, c'est que quand c'est sorti au grand jour que les hypothèques étaient complètement impayées puis tout croche, ben ça s'est écroulé. Puis là, ben il y a des gens qui ont fait full d'argent. Puis le gouvernement, ben il y a des banques qui sont fusionnées ensemble. Lehman Brothers a disparu puis ça a fusionné avec d'autres compagnies. D'autres grosses banques. Puis le gouvernement a donné, je pense, 700 milliards, un esti de montant qui n'a pas d'allure, aux banques pour relancer l'économie, parce que sinon, ça a été la fin des temps. Mais dans le fond, c'était la fin des temps, parce que dans plein de villes aux États-Unis, les gens n'avaient plus de maison, mais les maisons étaient encore là, mais eux autres ne pouvaient plus être dedans. Ben c'est ça parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer l'hypothèque. Puis c'est une espèce de cercle vicieux. Puis là, les banques qui ont, par rapport du gain, ont permis à des gens d'emprunter de l'argent alors qu'ils savaient très bien qu'il n'y a pas la possibilité objective de rembourser, se sont pas été, comment dire, en faillite. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il leur a donné de l'argent pour compenser. C'est comme un enfant qui fait un mauvais coup, tu lui donnes des bonbons. Il n'y a aucune logique là-dedans. Bien, la logique, c'est que c'est un théâtre. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que le gouvernement, les lois fédérales puis les lois provinciales, c'est un théâtre. Parce que depuis ce que je peux avoir étudié dans l'histoire, l'argent, ça a toujours été synonyme de pouvoir puis d'action. Ça veut dire que plus une personne ou plus une entreprise ou plus une corporation ou un groupe d'individus a de l'argent, plus il peut faire bouger des affaires. Fait que tout ce qui bouge, c'est toujours en relation avec l'argent. Une économie, ça bouge s'il y a une expansion, soit au niveau de l'argent ou il y a de plus en plus d'opportunités pour en faire de l'argent puis en dépenser par le fait même. Puis en ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est une constriction. C'est comme si là, ça. On arrête de donner. Ben, on donne au monde, mais les PME, ils peuvent plus. Tu sais, il n'y a plus de services qui se vendent. Les gens font plus rien presque. Tu sais, Ben, c'est c'est comme ça, tout est stallé. c'est comme si ça serait une destruction de la classe moyenne. Tu sais, les gens qui avaient des entreprises, des cinémas, il y avait des restaurants, etc. Eux autres sont amenés à la pauvreté. Puis pendant ce temps-là, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, eux autres avec la vente en ligne, c'est eux autres qui font de l'argent. Puis les gens, au lieu d'acheter au commerce local, par exemple, des bottes, parce que c'est pas jugé comme un service essentiel au Québec, la personne se retourne, elle va se commander des bottes sur Internet. Donc, tu pénalises le commerce local, puis il y a des gens dans d'autres pays qui vont faire la manne, là. C'est que dans une situation comme ça, il y a deux choses à faire pour une entreprise. Soit l'entreprise, elle se dit c'est impossible, ça se fera pas. Ou bien, elle se dit oh, je sens que, tu sais, avec le premier confinement, je sens qu'on va avoir de l'instabilité à ce niveau-là. Je pense que je vais commencer à me partir un site web. Puis je vais vendre mes produits sur mon site web qui vont être disponibles pour venir chercher ou je vais les envoyer par la poste. Puis là, tu commences tout de suite à te régénérer, régénérer ta business. De façon à ce que ça soit beaucoup plus sur Internet qu'en personne. Mais tu offres les deux. Comme ça, quand ça ferme, ben, tu es capable de continuer ton entreprise. Mais ce qui est arrivé, puis moi, ce que je trouve triste, c'est qu'au Québec, il y a très peu de gens qui semblent s'être battus en justice. Puis ceux qui se sont battus en justice, on n'a tellement pas entendu parler que. Moi, j'ai entendu une couple d'entrepreneurs, un groupe d'entrepreneurs qui faisaient des poursuites ou qui essayaient de trouver des raisons scientifiques au moins à pourquoi qu'ils devaient fermer. Puis ça leur a rien donné. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu saches quand te retirer. Tu sais, quand t'as envoyé des troupes au front, puis tu vois qu'ils se font tous tuer, là, t'as pas besoin de continuer à en envoyer là, là. Tu peux les envoyer ailleurs. Non, Fait que moi, je. exactement. Bien, on a vu les démarches qu'ont faites les gens dans le domaine de l'industrie, là, de l'entraînement physique. Ils ont demandé au gouvernement de faire la démonstration qu'il y a eu des éclosions de cas de coronavirus pendant l'été où les salles d'entraînement étaient ouvertes. Le gouvernement a non seulement pas fait la démonstration, mais ils ont fermé la discussion, puis ont dit, on vous ferme, that's it, that's all, vous n'avez rien à dire. C'est comme si il y était des moins que rien, là. Ouais. Puis moi, je serais surpris de voir, mettons, que la plupart des gyms, mettons, une centaine de gyms, se seraient nus ensemble, puis auraient ouvert, puis auraient pris des tickets, puis auraient mangé des tickets, puis des tickets, puis des tickets, Mais puis ça des a tickets. failli arriver, c'est ça. Non, Malheureusement, mais je serais surpris de voir oui. jusqu'à où. Oui. Parce que ça, c'est le genre de mesure qu'à un moment donné, ça peut pas être viable avec le nombre de policiers disponibles. Tu sais, si toutes les gyms, mettons, de la ville de Montréal ouvrent en même temps, puis qui reste ouvert malgré l'étiquette, malgré la CSST, puis qui attendent vraiment que soit ils mettent un cadenas dans la porte ou bien qu'ils abandonnent le projet. Je pense que ça serait un risque. C'est comme genre envoyer des troupes au front. Il y en a qui vont mourir, c'est certain, là. Mais jusqu'à où comment je pourrais dire ça, donc, mais que les entrepreneurs pourraient continuer de rester ouverts, manger des volées, mais voir jusqu'à où si vraiment ils vont se faire fermer pour de bon. Ou bien, si à un moment donné, le gouvernement va juste lâcher prise puis laisser des affaires ouvertes. Moi, c'est ça que je me questionne. Mais peut-être que c'est vraiment, vraiment sévère. Mais je pense que c'est beaucoup plus les gens s'arrêtent à cause de la peur plus que les réelles conséquences. Oui, exactement. Ben, on l'a vu l'automne passé, lors de l'année 2020, où à quelques jours près, les gyms avaient fait comme annonce qu'ils réouvraient. C'était, je pense que c'était pour le 28 octobre, je me trompe pas. Ouais. Puis, quelques heures avant qu'ils étaient supposés de rouvrir, on dit non, non, on réouvrira pas. Ils se sont dégonflés pas mal à la dernière minute. Moi, c'est ça, j'ai eu de la peine quand j'ai entendu ça parce que je trouve ça déplorable pour eux, là, c'est sûr. Je comprends leur situation parce que, tu sais, moi, j'ai des patrons, puis moi, personnellement, je fais confiance que ma vie est bien guidée. Ça veut dire que si j'agis bien, je reçois de façon égale. Puis je suis toujours dans le respect de l'être humain, puis des besoins de l'être humain quand je travaille, puis j'ai pas respecté beaucoup de règlements à mon travail avec les masques, puis le lavage de mains, puis tout ça. Puis il n'y a jamais eu d'éclosion, jamais eu de malade. Moi, je suis pas malade. C'est ça, Il n'y a mais jamais quand eu de que toi, problème. c'est ça, mais toi, quand tu respectes pas ça, c'est pas dans l'optique de contaminer les gens, c'est tout Non. simplement que tu suis ta vibration, tu sais. Fait Puis, que. il y a pas de répercussions dans le sens qu'il n'y a jamais eu de police qui est venue, il n'y a jamais eu de plainte. La CSST est venue deux fois, mais jamais venue dans notre local à nous autres. Fait que, tu sais, c'est à rien comprendre. C'est comme. Moi, je le vois vraiment comme. Je pense que les gens qui ont des problèmes avec l'étiquette puis des problèmes avec les mesures, c'est dû au fait qu'il y a quelque chose en eux qui veut comme du trouble. Parce que moi, j'en veux pas de trouble, mais je veux continuer de respecter mes besoins. Non, non, je comprends. Je Tu chercheras pas à provoquer les autorités. Comme là, quand le couvre-feu a entré en vigueur il y a quelques jours, il y a des gens à Montréal qui ont manifesté contre ça avec le drapeau du Québec, qui ont crié Liberté. Bon, ben ils se sont fait arrêter par la police, là, tu sais. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'il y a Mais des. Oui. le but, c'est parce que des manifestations, j'espère qu'on a compris là, avec tout ce qu'il y a eu comme manifestation. Des manifestations, c'est pas. Ça, concrètement, en ce moment, avec la couverture médiatique puis la censure sur Internet, ça ne peut juste donner ça fait juste donner de la mauvaise publicité. C'est ce que j'ai vu, moi. Depuis le début, il n'y a pas personne qui a dit Ah, oh, wow, c'est dommage extraordinaire, ça. Dans la masse critique, je parle. Je parle qu'il y a eu plein de gens qui se sont réveillés, puis il y a eu des manifestations de plus en plus grosses, oui. Mais ces manifestations-là, la vibration qui dégage, ça dérange le monde. Puis les gens, quand ils sont dérangés, ils ne sont pas portés à réfléchir, ils sont portés à réagir. Puis ils sont en opposition ou en accord avec le mouvement. Fait que ça donne un. C'est comme un radicaux libre, là. Tu sais, ça passe, là, puis ça interfère avec les autres cellules. Puis le but, c'est pas d'interférer avec les gens qui soient pour ou contre, c'est de vivre ta crise de vie tranquille. Puis si tu as besoin de respirer, puis tu es dans un endroit fermé qu'il faut que tu portes un masque, mais ben, tu l'enlèves temporairement, tu respires. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, il fait des gros yeux, tu remets ton masque, tu continues ta journée. Il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais rien qui se passe. Ouais, Puis non, tu peux continuer à respecter ton corps. je comprends ce que tu veux dire. Tu ne chercheras pas à provoquer le désordre. Puis ça, c'est bien correct. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que c'est étouffant de forcer les gens d'avoir des masques à l'intérieur dans les lieux publics. Puis tu sais, je pense aux enfants. Moi, en tout cas, je suis heureux de ne pas avoir d'enfants présentement parce que je vivrais sans doute beaucoup de colère, tu sais, d'être pris, envoyer ses enfants au secondaire, puis passer la journée avec le masque, puis. Oui, mais pourquoi c'est ça, mais là, il faut se renouveler aussi en tant que parent. Parce que si tu envoies encore tes enfants à l'école primaire, mettons qu'ils sont rendus en cinquième année puis sont déjà au masque obligatoire, ça veut dire qu'il leur reste 7 années, mettons qu'il y aurait, bon, on va dire, 6 années et demie. Pour 6 années et demie encore, il va falloir qu'ils portent des masques, qu'ils vivent dans un environnement où ce que tout le monde est sous pression maximale parce qu'il y a des profs qui ont peur, des directeurs qui ont peur d'avoir des problèmes, veulent pas qu'il y ait des cas dans leur école. Toute cette énergie-là, là, si tu es un parent qui est dans son intelligence puis qu'en plus, il y a un des deux qui a perdu sa job, je ne sais pas pourquoi il ferait pas l'école à la maison. Moi, personnellement, en ce moment, là, je préfère l'école à la maison, puis ça me ferait plaisir. Puis il pourrait avancer beaucoup plus rapidement dans sa matière aussi. Je comprends que ce n'est pas tous les parents qui peuvent se permettre ça. Ben Mais c'est quand ça, il y en même, a qui ont des il faut. hypothèques à payer, les autos, puis tu sais, il y a des Oui, mais il faut dépenses. changer. Il va falloir changer de vie, là. Faut arrêter de s'accrocher à nos formes, puis à nos désirs, puis à un moment donné, avoir des priorités à bonne place. Parce que pour moi, un enfant de 9 ans, de 10 ans, avec un masque toute la journée dans le visage, c'est une abomination. Jamais en tant qu'être humain, je tolérerais ça pour mon enfant. Je suis beaucoup trop sensible. Mais s'il y a des gens qui tolèrent ça pour leurs enfants, puis ils préfèrent continuer de travailler, je sais que ce n'est pas des décisions qui sont faciles des fois, mais moi, personnellement, c'est non négociable. Jamais je tolérerais ça. C'est impossible. C'est ça, c'est facile pour moi aussi de dire la même chose que toi parce que j'ai pas d'enfants. Par contre, en situation où ce que j'aurais des enfants, par exemple, puis une maison à payer avec une hypothèque. Ça peut être des choix quand même assez déchirants, là. T'sais, fait que, mais c'est ça, la crise peut amener les gens à être confrontés à des dilemmes au niveau éthique. Puis l'un d'entre eux, c'est bien entendu la question de la vaccination. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais l'intention de te faire vacciner. Moi, je vais essayer de me tenir le plus loin possible de toutes ces avancées-là technologiques au niveau des vaccins. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est juste parce que on n'a pas fini les essais cliniques. Je ne sais pas c'est quoi cet engouement-là aussi exagéré de vouloir aller vers un vaccin quand présentement, oui, on est dans une crise mondiale, mais il existe des traitements. Il y a des gens à travers le monde qui ont utilisé différents types de traitements. C'est pas une maladie qui tue les gens en bas âge. Les gens en bas âge, s'ils sont alimentés correctement puis qu'ils ont un mode de vie sain, ils sont pas à risque. Fait que essayer de dépêcher un vaccin puis de le vendre comme ils le vendent dans les médias, moi, je trouve ça bizarre. T'sais, puis Ben moi, je je suis trouve pas ça un scientifique, suspect, là, là. Tu mais. sais, tu as Pfizer et Moderna qui développent un vaccin sur une durée à peu près totale de 9 mois avec l'essai clinique pour, dans le fond, le SRAS-2, alors que pour le SRAS-1 qui date d'environ 11 ans, en 2009, la grippe H1N1, ils n'ont pas encore développé de vaccin. Moi, je ne sais pas si ça l'a changé, mais de ce que j'ai lu, Oui. un vaccin, c'est supposé immuniser. Ça a toujours été un petit peu le but pour moi de me faire vacciner ou pas. C'est est-ce que j'ai besoin d'être immunisé de cette maladie-là ou non? Puis, ce que j'ai entendu, c'est que, bon, la première dose du vaccin, définitivement, avec certitude, immunise pas puis empêche pas de le propager. Puis la deuxième dose, selon ce que j'ai lu là, sur des sites pharmaceutiques, c'est que ça réduit seulement les symptômes graves de la COVID-19. Ça n'empêche pas d'être immunisé au COVID-19. En fait, ça immunise pas contre le COVID-19, puis ça n'empêche pas de le propager non plus. Exact, j'ai eu Fait la que même moi. information que toi. La seule utilité du vaccin qui revient en lien avec ça, c'est d'empêcher, mettons, une personne âgée de 70 ans et plus de mourir potentiellement du coronavirus si elle est vaccinée. Ouais. Puis sans rentrer dans les effets secondaires des vaccins, parce que tous les vaccins ont des effets secondaires, j'ai pas assez de nouvelles ou d'informations crédibles que je peux vraiment dire que ça, c'est vraiment de l'information véridique pour dire qu'il y a des effets secondaires néfastes. Parce que je connais des gens qui se sont fait vacciner. Jusqu'à date, ça va très bien. Le long terme, on ne le sait pas, ils l'ont pas testé. Ce que j'entendais dire il n'y a pas longtemps, c'est qu'il était déjà dans les essais cliniques de phase 3. Fait que c'est presque terminé, mais c'est pas complété encore. Donc, les gens qui se font vacciner en ce moment, ils semblent se faire vacciner un petit peu comme dans une étude. C'est comme une étude Ben, c'est volontaire. ça, ils servent de cobaye. Ouais, c'est ça. Ça sert un peu de cobaye, puis j'arrive pas à voir la pertinence présentement de se faire vacciner quand la plupart des gens vont bien. T'sais, si les gens veulent se faire vacciner, il n'y a pas de problème. Mais de juste de voir l'ingérence massive du gouvernement québécois par rapport à tout en général, on est à quoi? 1% de personnes vaccinées dans tout le Québec, puis qu'il y a 21% des gens qui sont à risque. Fait que si on suffit à ce rythme-là de vaccination, on devrait en avoir pour à peu près 5 ans, juste à être à 21% de la population. Fait qu'il faut trouver autre d'autres solutions alternatives. Ça ne veut pas dire d'annuler le vaccin, d'en avoir un ou de ne pas en avoir un. Le vaccin, c'est bon. Mais est-ce qu'on peut avoir autre chose? Est-ce qu'on est capable de commencer à traiter du cas par cas, puis arrêter de toujours de mesurer tout le monde à la même ligne? Tout le monde a besoin du vaccin. Ben non, peut-être que lui a besoin de vitamine D. Peut-être que lui a besoin de faire un jeûne. Peut-être que Exact. lui a besoin de faire du sport. Peut-être que cette personne-là, elle a besoin d'un vaccin, oui. Donnez-lui. Est-ce qu'on peut traiter comme ça, puis se calmer les nerfs, puis arrêter d'essayer de sprinter, parce qu'en ce moment, on n'a tellement pas de vision d'où ce qu'on s'en va, qu'on est en train de sprinter dans un mur. Puis le mur, il va venir seulement à cause qu'on agit de façon absolument irrationnelle, émotive, puis ça va donner des résultats qui vont être médiocres. Autant au niveau de, bon, le monde s'y demande. Est-ce qu'on leur donne tout de suite leur deuxième dose? Pfizer dit de faire ça à l'intérieur de 6 semaines, mais on n'en a pas assez pour tout le monde. Bien, c'est évident que tu donnes la deuxième dose, parce que sinon, le vaccin, il ne sert à rien. Fait que commence par faire ta job comme faux. Ah, mais Tu j'avais sais, entendu dire c'est. qu'avec une dose, là, ça protégeait à 50 %, ou en tout cas, il y avait un certain pourcentage, là, tu sais. Rendu là, l'inconnu de l'effet de ce vaccin-là sur le long terme. Et t'as pesé dans la balance. Si tu t'entraînes de dire qu'on va te donner un vaccin qui va être 50% efficace, pour une maladie. Moi, je parle de mon cas à moi. Je parle pas Oui, de des gens bien qui sûr. veulent l'avoir, là. Ben oui, ben moi, Moi, en fait, par rapport au vaccin, moi, je suis pro-choix. C'est-à-dire que la personne veut l'avoir, elle peut l'avoir. Si elle ne veut pas, elle ne l'a pas. Moi, je suis dans le vivre puis le laisser vivre là, totalement là, par rapport à ça. je serais pas étonné, OK, que le vaccin devienne obligatoire ou Ben, de c'est ça que façon je. sournoisement obligatoire, OK, t'as Oui, peu, vas-y. puis que les gens embarquent là-dedans de toute bonne foi, là. Ah ben moi non plus. Comme là, par rapport au couvre-feu, il y a un sondage qui a été fait récemment qui déclare, c'est dans la presse, que 70% des Québécois sont favorables au couvre-feu. Ça, je trouve ça très improbable, puisqu'il y a eu beaucoup de sondages qui se sont faits sur Twitter, puis par Éric Duhaime à Québec, ben à Montréal, en fait. Puis je comprends que les gens qui suivent Duhaime, c'est du monde qui sont contre les mesures, là. Évidemment, il y a un biais, là. Mais en général, ce que j'ai vu sur Twitter, puis sur son sondage à lui, c'était 97,5 en désaccord. Oui, Fait ben qu'à quelque lui, il part, de s'oppose depuis. 70% en accord, Oui. comment? Oui, c'est sûr que lui, depuis le départ, il s'oppose à ces mesures-là. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui le connaît. D'où le biais. Oui, c'est ça, il y a un biais. L'autre, c'est un sondage croque. Fait que, en tout cas, il faudrait questionner la firme, là. Mais bref, tu sais, bon, la presse, c'est quand même un grand média québécois. Donc, on nous vend à travers les résultats du sondage que la plupart des Québécois sont favorables à ça. Donc, ça nous donne comme message, ben, conforme-toi aussi parce que la majorité veulent ça. Fait que faut que tu aies avec la majorité parce qu'au Québec, on est dans un mode consensuel, tu sais. On ne peut pas parler de grands médias québécois présentement parce qu'il n'y a aucun média qui s'autofinance. Parce que pour appeler un média un grand média, il faut que ce média-là se soit autogénéré à partir de rien. Ça veut dire que ça prend comme des gens qui font des podcasts sur YouTube, exemple Joe Rogan ou Brett Weinstein ou toutes sortes de personnes qui parlent, qui viennent aller chercher un following puis un Patreon puis les gens les payent pour ça. Ça devient un média qui est payé par la population, mais pour la population, puisque les gens votent ces personnes-là qui parlent financièrement. Puis ça fait que le podcast ou l'émission peut avoir de plus en plus d'envergure. Mais là, quand on regarde des médias comme la presse, que tu parlais de la presse, mais je Oui. peux parler aussi de Québécois, puis Le Soleil, Le Devoir, puis tout ça, c'est tout des très, très hautement financés par le gouvernement. Fait qu'il y a un biais direct entre le fait qu'on peut appeler ça des grands médias. C'est seulement des grands médias parce qu'on les a écrasés d'en face tout le temps, parce qu'ils ont plus d'espace web puis télévision. Exact. Mais si c'était un vote populaire, je pense pas que les gens voteraient pour la presse, parce que moi, j'ai jamais été appelé en 31 ans de vie pour un sondage. Puis je connais pas grand monde non plus qui ont été appelés pour un sondage. Fait que ceux qui appellent, puis c'est fait drôlement vite aussi, tu sais, idéalement, si tu as du temps à perdre, tu peux faire un recensement complet ou bien au moins un pourcentage majeur de chaque ville, tu sais, pour être capable d'aller chercher une idée générale de ce que ça où ça, ça s'en va. Mais d'avancer un 70%, c'est beaucoup plus du média pour convaincre puis pour vendre une idéologie. Ah, 70% des Québécois sont d'accord. Ben moi aussi, je suis d'accord parce que je veux pas déranger personne. Ça revient toujours à ça, c'est que les gens ont de la misère à être en conflit, parce qu'être en conflit, ça veut dire être seul avec, seul contre. Si t'es pas d'accord, toi, avec 70%, puis en plus, tu as la voyance de dire ça, c'est de la bullshit, ben c'est sûr que tu vas avoir un effet qui va être. Tu vas dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça. Ben, c'est sûr. Puis Mais après moi, ça, dans le fond, je ne vois pas dans le sens, en tout cas, de ce qui est décrit dans le sondage, dans le sens que moi, le couvre-feu, j'en vois pas la logique dans le sens que même un docteur Arrossi Arruda, directeur de la santé publique, il dit, écoutez, c'est pas appuyé sur des recherches scientifiques. Fait que là, on voit que c'est purement arbitraire, là. Tu sais, non, mais il vous le dit. Il vous le dit, puis le monde continue d'obéir. Il ne s'agit pas de faire une manifestation la nuit, puis déranger les citoyens, là, puis de faire du terrorisme d'État, là. Il s'agit juste que si ça tente d'aller marcher, ben tu vas marcher. Ouais, mais si tu te Puis fais il faut que les gens. interpeller, si tu te fais Ouais, interpeller mais par une auto de ça marche. police. La vie, ça marche pas comme ça. La vie, c'est magique. La vie, là, c'est parfaitement ordonné. Puis si la police t'a rencontré une police parce que ton corps t'a dit faut que tu ailles marcher à cette heure-là en ce moment parce que ça va te faire du bien, ben c'est évident que soit tu croiseras pas de police. Puis si tu croises une police, il va tellement avoir de l'harmonie dans ta personne que la police, elle va s'en aller puis elle va te laisser tranquille. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens ont oublié. Puis la peur fait oublier la magie de la vie, puis la beauté de la vie, puis l'ordre qu'il y a dans la vie. C'est ça, mais Puis en quand même tu temps, fonctionnes à t'as des partir. délateurs, t'as des gens là, que leur domicile, ils peuvent épier dans la rue, puis ils peuvent appeler la police. Je vois quelqu'un qui marche tout seul, il est passé 20 heures. On développe Ben oui. présentement une culture de la délation au Québec, comme les Mais pays communistes. seulement dans la mesure où ce que tu es dans un quartier qui est défavorable à ton bien-être. Moi, jamais ici, il n'y aurait personne qui appellerait la police parce que je marche dehors dans la rue. Impossible. Puis si ça arrive, je vais être rendu plus loin, puis la police, ça va me manquer. Puis je le sais, j'ai voyagé partout, j'ai fait plein d'affaires, j'ai failli mourir, j'ai vécu tellement d'affaires, puis la vie, c'est tellement bien organisé, c'est tellement bien structuré, que si tu fais confiance au courant de vie, puis tu fais juste faire du mieux que tu peux, puis de répondre le plus possible à tes besoins vitaux, c'est très rare que tu vas avoir des problèmes. Les problèmes, ça vient du fait que soit tu parles trop, ou soit tu essaies d'exposer quelque chose que l'individu qui est en avant de toi n'est pas prêt à être exposé. Fait que ce que je veux dire par là, si je fais un parallèle avec, mettons, quelqu'un appelle la police, puis la police t'interpelle, c'est que la façon dont tu vas traiter avec le policier va tellement être dans le respect que pour lui, ça va être impossible de te donner une étiquette. Il va se sentir mal de donner une étiquette, il ne pourra pas. Il n'aura pas eu la vibration de le faire parce que tu vas avoir neutralisé le conflit. Puis c'est ça qui est important d'être capable de faire avec le temps, si on veut avoir une vie qui est à la hauteur de nos besoins, c'est qu'il va falloir apprendre à communiquer. Puis communiquer, c'est du cas par cas. Il ne s'agit pas de se mettre en grande masse d'individus puis d'aller foutre du bordel pour se faire entendre. Se faire entendre, c'est si tu as un problème dans ton immédiat, tu traites avec en parlant puis en t'ajustant. Puis l'esprit reconnaît toujours l'esprit. Ça veut dire que quand tu vas parler d'une façon neutre avec le policier, ça va aller chercher quelque chose en lui qui va reconnaître qu'il y a une loi, puis donner une étiquette pour quelqu'un qui marche seul dans la rue dans ce moment-là, c'est pas selon les lois Encore faut-il qu'il y universelles. ait la sensibilité, parce que là, s'il a peur de perdre sa job, qu'un de ses collègues le voit, qu'il ne fait pas sa job comme il faut. Ça dépend de ta vibration. Ça Ben, dépend de c'est ta ça, mais c'est parce vibration. que si le policier est astralisé, il aura peut-être pas le même sens éthique et la même intégrité psychique que si le policier serait fusionné avec l'esprit, là. Ben, moi, peu importe les policiers que j'ai rencontrés depuis, je te dirais, 5 ans, je me suis fait arrêter souvent, puis j'ai jamais eu de ticket. OK. Jamais. Jamais, jamais eu de ticket. Puis je parle toujours avec le policier, puis ça finit qu'on s'entend bien, puis on jase. Des fois, je serre la main, puis il part, puis il fait sa journée. J'ai jamais de problème avec la police, moi. Parce que je les respecte, je respecte tout le monde. Je veux pas de problème avec personne. Mais je suis prêt à me C'est ça, défendre mais s'il le existe quelque respect, je chose. comprends, c'est utile. Puis, regarde, ça, c'est très pertinent. Mais au-delà de ça, il peut rester que le fait que le policier peut être boqué parce qu'il est astralisé. Ça t'est Donc. arrivé, toi? Tu me parles-tu d'une expérience que tu as vécue ou tu fais juste hypothétiser? OK, je suis d'accord avec toi, je suis dans l'hypothèse. OK. Ben dans le fond, non, mais c'est correct. C'est un bon argument. Mais il faut regarder les choses dans la réalité. Moi, c'est ce que j'essaie de dire. Oui. Je dis pas que ce que je vois, moi, c'est pour tout le monde. Mais moi, personnellement, dans mon expérience, depuis que je ne vis pas émotivement, si je me fais arrêter. Parce que dans le fond, là. Pour pas vibrer émotivement quand je me fais arrêter par la police, c'est parce que je suis capable d'accepter la conséquence. En étant capable d'accepter la conséquence, de me dire, bon, je ne sais pas ce que j'ai, mais je vais être prêt à le payer s'il faut. Puis je vais faire ce que j'ai à faire. Fait que j'arrive dans un état où ce que j'accepte la pire affaire qui peut arriver. Puis là, quand le policier arrive, je suis très calme. Puis là, je parle avec. Puis j'essaie de voir, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse s'entendre? Si oui, tant mieux. Sinon, ben, je vais payer le ticket. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Puis en étant de même, ben souvent le policier il perd totalement la volonté de te donner une étiquette. Surtout dans la région. Je suis pas en ville, moi non. Tu sais, j'habite pas à Québec ou à Montréal. Fait que c'est sûr que peut-être qu'il y a des différences dans ces places-là. Mais moi, où je reste, je me suis fait arrêter souvent, puis j'ai jamais eu de problème. Je pense que c'est à cause justement du calme. Être calme. Oui, être calme Puis dans la une vie. région au calme, tu sais, ça aide. C'est sûr que si tu serais dans un quartier chaud de Montréal où là, la police est plus aux aguets par rapport aux gangs de rue ou la criminalité, ça serait un autre aspect, là, tu sais. Mais faut que si tu es quelqu'un qui est moindrement sensible, faut que tu te demandes qu'est-ce que tu crisses là. Exactement. C'est ça. Mais je voulais en revenir à la vaccination dans le sens que s'il y a une pression sociale qui s'installe pour forcer les gens à être vaccinés, puis progressivement, on empêche les gens, par exemple, de voyager en disant, ah, il faut que vous soyez vaccinés pour faire un voyage, il faut que vous soyez vacciné pour aller au cinéma, aller voir une partie de hockey, aller voir un spectacle de musique, aller dans les différents lieux publics. Est-ce qu'à ce moment-là, si on t'enlève progressivement différents droits qui étaient acquis avant la crise, puis ça devient des privilèges pour ceux qui sont vaccinés, voire même de travailler, est-ce que à ce moment-là, tu te ferais vacciner? Moi, je vais toujours trouver une solution pour faire respecter mon corps physique. Parce que mon corps physique, il appartient pas au gouvernement du Québec ni au gouvernement du Canada. Mon corps physique appartient à la Terre, puis la Terre décide qu'est-ce qu'elle veut. Puis moi, j'ai pas la vibration de me faire vacciner. Donc, si on m'empêche de voyager, puis on m'empêche, la seule affaire qui pourrait peut-être me déranger un petit peu, ce serait m'empêcher de voyager. Mais si c'est juste ça, puis des cinémas, puis des affaires de groupe, puis où il y a plein de monde. De toute façon, ça, je participe pas à ces événements-là, fait que ça me dérange pas. Mais moi, où j'aurais un problème, c'est si tu as besoin de ça, mettons, pour aller travailler, puis toutes ces choses-là. Ça, je pense que je serais obligé de trafiquer peut-être un carnet de vaccination, quelque chose comme ça. Oui, ben, je comprends, mais c'est un dilemme qui peut se présenter à nous. C'est sûr que je ne le souhaite pas, là. Mais Ben, c'est sûr qu'il va se présenter à nous. ben, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Tu sais, l'escalade des mesures qu'on voit depuis plusieurs mois, tu sais, au mois de juillet, quand François Legault a dit, bon, le port du masque va être obligatoire, ensuite, le retour au confinement, le couvre-feu. Moi, j'ai l'impression que quand le gouvernement a fait le tour des différentes mesures, il va comme se retourner vers la population pour créer l'acceptabilité sociale pour le vaccin obligatoire en disant, on n'a pas le choix. Moi, j'ai l'impression que le confinement, ça ne fera pas diminuer le nombre de cas parce que essentiellement, la contamination, c'est dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées, puis c'est là que le monde en meurt plus. Tu sais, c'est pas en empêchant, mettons, quelqu'un de se promener sur la rue à 8 heures le soir qu'on va diminuer significativement le nombre de cas, surtout s'il se promène tout seul pour faire sa marche après 20 heures, là. Oui, mais la seule raison pourquoi que le vaccin n'est pas obligatoire présentement ou qu'il n'est pas de façon mandataire très, très poussée, c'est qu'il n'y en a pas assez et qu'ils sont trop désorganisés. Ben, c'est la même. Parce que la seule Oui, raison, ben c'est ça, c'est je pour suis le d'accord masque, c'est avec la même toi. C'est chose. la même chose que le masque. C'est ça l'idée que j'ai captée en tête. La raison pourquoi il n'était pas obligatoire avant. Puis là, vu qu'il y a beaucoup de masques, ben là, ils rendent ça obligatoire. Puis là, on voit que c'est de plus en plus jeune. Tu sais, c'est à le secondaire. Là, c'est rendu sixième année, cinquième année. Puis là, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va peut-être dire, ben, on n'a pas le choix. Il y a encore trop de couches, les jeunes. C'est la quatrième année, troisième. Puis à un moment donné, on va hypothéquer les jeunes alors qu'ils sont en bas âge dans leur développement d'une manière importante, là, tu sais, le préjudice au niveau développement émotif aussi, psychologique et tout chez le jeune, c'est pour moi, c'est une grande entrave par rapport à Je des comprends, enfants. je comprends, mais je vais te partager mon expérience, puisque moi Oui. j'en vois beaucoup des familles, puis du monde, des enfants, puis de tous âges, là. Puis la plupart, ça change rien. Dans le sens que c'est très, très peu les gens qui ont la sensibilité de se sentir étouffé avec un masque. Il y a des gens qui portent des masques, puis ils sont quasiment heureux de le porter, puis je te dirais que c'est un très haut pourcentage de personnes. Surtout les jeunes familles, là. Ils sont tellement, tellement, tellement respectueux des règles. Puis pour eux, c'est vraiment un grand honneur, là. Tu sais, on croirait voir une famille catholique dans les années 50, là. Ah ouais, que le crucifix puis la croix puis sont bien faire de ça. Ouais. Oui, exact. Ils sont très respectueux. Puis on le fait pour les autres. Puis les enfants, tu leur dis, c'est pas obligatoire pour les enfants de cet âge-là d'avoir un masque, vous pouvez l'enlever. Non, on veut les entraîner puis les préparer à ça. Tu fais genre, OK. Fait que moi, j'en avais vu beaucoup de ça, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de. Moi, j'ai comme compris qu'il y a des gens que ils respirent tellement pas, on dirait, ou du moins, ils vivent tellement pas dans leur corps qu'ils se rendent même pas compte qu'ils étouffent. Moi, je m'en rends Exactement. compte parce que moi, je respire. Tu sais, je m'entraîne, respire, j'aime ça respirer, faire des exercices de respiration, entraîner ça. Fait que moi, je me mets de quoi d'en face, je sais tout de suite qu'il y a une altération dans ma capacité respiratoire. Fait que c'est hors de question que je me mette quelque chose au visage. Mais. Il y a beaucoup de gens que ça leur fait rien. Comme rester à la maison, là. Il y a une raison pourquoi il y a autant de pro-confinement, c'est que les gens apprécient ne pas travailler parce qu'ils n'œuvrent pas dans leur travail. Ben, c'est Il y ça a que j'allais beaucoup de dire. gens qui ont Ils des travails qu'ils n'aiment n'aiment pas ce qu'ils pas. font. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Fait que là, ça redonne un prétexte pour rester chez eux. Exactement. Puis ils se sentent plus coupables en Ben, c'est plus. Ils se ça. sentent comme des héros. Ben exactement, ils sauvent des vies. Il y a même une publicité gouvernementale pendant le premier confinement, là, au printemps 2020. Ils disaient aux jeunes, tu joues à des jeux vidéo, tu restes chez toi, tu sauves des vies. Puis les gens, ils aiment ça. Tu sais, c'est confortable en maudit de se faire dire ça. C'est extrêmement C'est confortable. valorisant. Puis, ben oui. Fait que toi, t'es là, tu fais quelque chose qui, auparavant, était considéré comme de la paresse puis de la négligence de ta personne à un acte héroïque. Exact. Mais, tu sais, on s'entend que c'est très peu de gens qui vivent ça comme un acte héroïque, là. En général, ça doit être juste, ah, je suis content, j'ai la crise de paix. Mais ça devrait remettre les gens à se dire, qu'est-ce que je fais maintenant avec ma vie? T'sais, qu'est-ce que je pourrais faire que j'aime, là? T'sais, j'ai de l'argent, j'ai du temps. Qu'est-ce que je peux créer? Mais on dirait que les gens, ils n'ont pas le goût de créer quoi que ce soit. T'sais, je parle avec mes boss, moi, ils sont là. Je leur dis, allez-vous aller en justice? Allez-vous faire quelque chose? Allez-vous vous rassembler avec d'autres entreprises? Non, non, on reçoit des subventions, là, puis on ne veut pas mordre la main qui nous nourrit. Ben, OK. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Non, c'est ça. Il y en a beaucoup qui vont sans doute rester passifs par rapport à la situation, mais c'est comme un engrenage. Tu sais, on nous amène une espèce de force d'inertie que j'ai l'impression que quand la crise va arrêter, il y en a qui ont de la difficulté de sortir de leur zone d'hibernation, de sortir de chez eux, tu sais, dans le sens de se remettre en action, là. Tu sais, quelqu'un que ça fait plusieurs mois ou même plusieurs années qui n'a pas travaillé, de lui demander de travailler, de se lever le matin puis de respecter un horaire, ça devient plus difficile de se remettre en action. Oui, il y a définitivement un choc dans la remise au travail. Moi, je me rappelle, je l'ai vécu au printemps après avoir été arrêté 3 mois. Là. Puis, t'es genre, hein, ça te tente pas de travailler. Mais moi, ça me tentait pas de travailler parce que je faisais pas ma job. T'sais, je faisais une job plus de travail de construction puis de terrain. Fait que quand j'ai recommencé dans ma job, j'adore ça. T'sais. Où est-ce que je travaille? Moi, c'est mon milieu de création. T'sais. Je donne des cours de boxe thaï, je fais de la grimpe, je crée des voix, t'sais, je fais toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment agréable. Fait que moi, quand je suis coupé de ma job, c'est pas tant le problème d'argent, parce que financièrement, j'ai pas de problème. Mais c'est plus, ah, c'est donc bien indigne de garder du monde qui ont autant d'énergie comme moi dans une maison à rien foutre. Fait que t'sais, ce que je fais, c'est que je crée. Je fais d'autres choses. Mais je trouve ça dommage. Toutes ces fermetures-là, parce que on dirait que je me demande s'il y a un plan derrière ça de nouvel ordre mondial, si on dit ça de même, là, t'sais, vraiment Oui. de façon théorique, là. Mais c'est quoi le but? T'sais, c'est, il me semble que le monde, là, Ben, c'est plus de plaisir. derrière ça, c'est pas juste théorique. Tu as même un témoignage de Justin Trudeau qui parle du Great Reset, Ouais, mais là. reset, je comprends, OK, ça, j'ai tout vu ça. Mais Bon. vers quoi? Quel genre de société? Ben, on nous Tu sais, vend c'est ça l'idée que qu'il ça va être une faut. société meilleure, où chaque individu va avoir accès à l'éducation, va avoir accès, ça va mettre fin à la pauvreté, l'égalité. Il y a 17 objectifs globaux en lien avec ça à atteindre d'ici 2030. C'est l'agenda mondialiste où chaque personne, dans le fond, ne possédera plus rien, puis il va être heureux. Puis la personne va participer à une société mondialisée, là. Ouais. Oui, mais imagine, OK? Ouais. À partir d'un certain moment, là, tu as toujours de l'argent qui peut rentrer, tu peux faire ce que tu veux, OK? Tu peux travailler si tu veux, tu peux rester chez vous si tu veux. Tu possèdes rien, fait que tu peux tout louer. C'est ça. Tu peux avoir accès à pas mal n'importe quoi sur demande. Tu peux voyager facilement partout dans le monde, puis il y aurait une devise universelle, exemple, Mais OK? dans cette société-là, ça serait T'as pas peu. comme ça. Il y aurait Non, plein de mais mettons. contrôles, il y aurait plein de contraintes Je dans. sais, Oui. mais l'idée Oui. de sursimplification de la forme est très pertinente. OK. Mais les gens qui sont derrière ça, l'agenda que eux y ont à faire avec l'être humain, c'est là qu'il y a un problème. Parce que, tu sais, une monnaie universelle, c'est intelligent. Tu sais, d'un point de vue stratégique, de simpliste, tu sais, c'est comme on est sur un globe terrestre, là. Ouais. On peut-tu, genre, avoir un. Quelque chose qui s'utilise partout, comme ça, c'est plus simple. Ça devient une monnaie universelle, t'sais, ça devient plus fluide dans les transactions financières, t'as pas besoin de Un peu convertir comme. des devises. C'est ça, un peu comme l'or à l'époque, là. T'sais, l'or, c'était toujours bon partout. Mais ça devrait être quelque chose de plus électronique, d'après moi, qui va s'en aller. Mais ce que je remarque là-dedans, c'est que, t'sais, des possessions, les gens, s'ils ont besoin de possessions. Comme des autos, puis des choses comme ça, des maisons, puis il faut que ça leur appartienne. Je comprends, mais le problème, c'est que si ça appartient à quelqu'un d'autre, puis c'est quelqu'un qui a ça à tout lui tout seul, puis c'est pas une coop, là, il y a un problème. Mais c'est sûr que ce paradigme-là, ce changement de paradigme-là qu'on vit en ce moment dans notre société, ça va toujours être croche au début, puis ça va peut-être se raffiner avec le temps. Je sais Mais la pas, le première. communisme, quand on a vu quand ça s'est implanté là, par rapport à la Russie, ça a été croche dès le départ, puis ça a été jusqu'à sa fin là, avec la chute du mur de Berlin là, à la fin des années 80. Ça a été tout croche tout le long. Oui, mais ça, c'est pas le même système que le système qui est entrevu en ce moment. Ben, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que c'est une forme de communisme, mais avec une sauce écologique, en disant, ah, ça va servir entre autres à réduire les gaz à effet de serre. Mais le principe du communisme, c'est que il n'y a rien qui appartient aux individus, puis tout serait supposé être géré par le gouvernement qui ferait une répartition équitable de la richesse au sein des prolétaires, des gens qui font partie de la société. Mais avec le Great Reset, la façon que c'est présenté, ben, ça me fait penser beaucoup à ça. Oui, mais ça ne sera jamais exactement comme une forme passée parce que la forme est nouvelle en soi puisqu'on est à une autre époque au niveau de la technologie, de la science puis de la conscience humaine. Ça veut dire que le mouvement qui est fait là, c'est un mouvement qui est fait de bonne foi. Mais à cause des possessions des forces du mal derrière les gens qui sont en train de pousser un agenda comme ça va être travesti. Parce que le droit de la propriété puis de l'égalité sur le globe puis d'opportunité. Je ne parle pas de richesse égale à tout le monde, mais le droit d'opportunité égale à tout le monde, ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un nouveau temps, dans le sens que ça, c'est quelque chose vers de l'intelligence. Le système communiste, c'était pas chaque individu a le droit de l'opportunité, c'est tu fais ça, puis tu fais ça. Mais si on s'en va vers un système où est-ce qu'il y a plus d'opportunités pour l'individu, plus de liberté, puis plus de pouvoir de se mouvoir. En n'ayant pas des grosses possessions, tu sais, qu'il n'y ait pas une personne qui possède plus que l'autre à trop grande échelle, ben il y a plus d'ordre dans la société, mais on est d'accord que les gens derrière ça, c'est eux qui possèdent le plus de finances. Fait que c'est évident que c'est juste un short sur la société, comme ils ont fait en crise économique de 2008. Exactement, j'ai l'impression que ça va Ils être se la sont même repayés chose. avec les avoirs C'est des ça, gens. exactement, parce que d'ailleurs, l'idéologie du Great Recess, puis Klaus Schwab, qui est le fondateur là, dans le fond, par rapport au Forum économique mondial qui se réunissent à Davos, puis ce groupe-là, ben, ce n'est pas des gens qui sont nommés par les citoyens, ce n'est pas des gens qui sont élus. C'est des gens qui ont des richesses, font partie de l'élite intellectuelle, financière et technologique. Fait que les autres cherchent à influencer les politiques, font pression aussi sur l'ONU pour redéfinir un monde nouveau qui, selon eux, est le bien. Puis, bien sûr, l'expression que j'aime répéter, l'enfer est pavé de bonnes intentions, dans le sens que les autres peuvent croire bien faire en voulant mettre ça en place pour réduire, entre autres, des problèmes d'iniquité, des problèmes de pollution haute. Mais s'ils font une pression sur les gouvernements pour mettre ça en place, ben ça va ressembler, j'ai l'impression, à une forme de dictature à caractère technologique, là, un peu comme le crédit social en Chine. Oui, mais ça va tenir un certain coup, mais il faut jamais oublier que l'esprit de l'homme, il va toujours dépasser toutes ses formes retardataires. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir trafiquer avec le système. Tu sais, il y a rien qui est intraficable parce que c'est toujours un humain qui met en place une mesure technologique, puis il y a toujours un autre humain qui est un peu plus wise qui va être capable de trafiquer cette mesure technologique-là. Fait que oui, eux, c'est ça qui est intéressant avec les gens qui ont des grandes visions pour la Terre, puis qui veulent imposer des certaines fonctions arbitraires partout sur le globe, c'est qu'ils oublient toujours de voir que l'humain, il se renouvelle. Fait que leur idée, ça tient la route dans leur tête, mais après un certain nombre de temps, ça casse. C'est comme la guerre, à un moment donné, ça arrête. Ça peut pas continuer, il y a toujours une fin à ça. Tu sais, Hitler, il était intouchable pendant plusieurs années, puis à un moment donné, c'est fini. Tu sais, c'est toujours de même. Ouais, son Mais régime a les tombé. gens. C'est sûr qu'ils peuvent créer des formes, mais si les gens se renouvellent créativement, ben ils vont créer des formes qui vont mettre en échec les formes. Qui sont créés, Mais ça fait pas leur affaire, ouais. l'humain se renouvelle toujours créativement. L'histoire en est Ben, la preuve. oui, mais c'est-à-dire que bon, l'humain, c'est-à-dire c'est une poignée d'individus qui vont générer une Non, tout con. le monde. Ben, un renouvellement créatif, tout le monde. Oui, mais c'est parce que toi, tu mesures ça avec des échelons, là. OK. Je te parle que tout le monde évolue. Tous les humains sur Terre, quand ils ont fait un passage sur Terre, ont évolué. Sont-ils en fusion, illuminés aussi ou ça? J'en ai rien à câlisser de ça. Moi, ce que je sais, c'est que l'humain sur Terre évolue. Puis les temps dans l'histoire de grande noirceur ou de grande oppression ont toujours fini par imploser. Parce que c'est la nature même. Plus tu prends du contrôle, plus tu te le fais enlever. Mais il y a un facteur temps là-dedans. Mais c'est ce que j'ai l'impression que les gens ne veulent pas regarder, c'est que là, il y a du monde qui ont de l'espoir dans Trump, puis il y a du monde qui ont plus d'espoir, mais il faut qu'ils soient capables de contenir une période de noirceur. Chris Daniel Ménard l'avait dit. Il avait dit, ça va être des temps de on va vivre avec plus grand-chose. Il va Ben, falloir apprendre à c'est-à-dire, vivre avec plus grand-chose. ça va être des temps de contraction. Daniel Ménard, d'ailleurs, que j'ai interviewé, que vous allez pouvoir retrouver des enregistrements que j'ai faits avec lui alors qu'il était vivant sur ma chaîne YouTube, qui était astrologue et également consultant et intervieweur de Bernard de Montréal. Par rapport à lui, ce qu'il avait déclaré, c'est surveiller la date de 2020. Ça, c'était des années avant, là. Puis ça, c'était même je sais pas, c'était, en tout cas, c'était 2010, 2013. moins dans ce coin-là. Puis, tu sais, c'était même avant que 2012 soit à mode, là. Tu sais, parce que Ah oui. les gens dans les années 2000, 2005, focusaient sur 2012. Puis lui avait attiré l'attention sur 2020, où il parlait par rapport à Pluton qui entrait dans le signe du Capricorne, parce que Pluton va être en Capricorne jusqu'à peu près là, dans le fond 2024. Bon, ben, il y a une période où ce que les. Parce que le Capricorne, c'est le signe des retraites, les structures sociales, ben, toutes les structures, elles ont été branlées. Puis ça commençait en janvier 2020. Puis je suis obligé de lui donner raison que. Depuis janvier 2020, en fait, avec la crise du coronavirus, toutes nos structures sont ébranlées. Puis, par rapport au signe du Capricorne, ben, c'est toutes les structures, les rigidités, puis tout ce qui était le fondement de la société, comme le système économique, le système médical est confronté. Tous les fondements de la société sont ébranlés présentement. Et c'est sûr qu'on est dans une période de crise sans précédent, là. Ouais. Puis ça va être des années à venir. Puis je pense que le mot d'ordre, ça va être capable de contenir le changement, être capable de vivre le changement de façon le plus neutre possible, puis plus créativement possible. Parce que sinon, ça va être très dur. Ça va être très, très dur pour les gens qui vont se réfléchir, les gens qui vont réagir de façon émotive à tout ce qui va se passer. Puis on le voit beaucoup, tu sais, moi j'écris souvent des commentaires sur Facebook puis sur Twitter, puis les gens, c'est beaucoup de haine, beaucoup de réactions haineuses, tu sais, ou des étiquettes. Il y a très peu sont capables de vraiment échanger puis essayer d'aller plus loin. C'est beaucoup, c'est ça ou c'est ça. Puis ça, tant que ça va durer, il y a du monde qui vont souffrir. Parce qu'à un moment donné, lâcher prise de morceaux, puis là, moi, je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais avec ma peau? T'sais, parce que c'est bien beau être d'accord, puis être dans désaccord, puis dire faut qu'on éveille la conscience des autres. Mais oubliez ça, là. Éveiller la conscience. C'est l'opposition dans la vie qui éveille l'individu. C'est pas l'individu qui s'éveille. Ben, c'est-à-dire que l'individu, en effet, qui est confronté à des oppositions qui peut en venir à s'éveiller, mais la parole peut participer à mettre des gens en vibration. T'sais, ça peut avoir une certaine fonction. Par contre, c'est sûr que moi, je suis pas naïf non plus, là. Moi, je me donne pas le mandat spirituel d'éveiller l'humanité, là. Je veux pas avoir l'humanité à charge, là, naturellement. Mais je Moi, me. ça fait des années que je parle, Oui. puis je parle à des gens proches de moi, puis des gens qui sont comme toi, un petit peu plus distants, ce qu'on parle de temps en temps. Puis en général, les gens que j'ai proches de moi, puis que je parle beaucoup avec eux autres, ils se renouvellent seulement à travers les chocs qu'ils vivent. La parole qui a été dite leur permet de peut-être mieux vivre l'expérience, mais on sauve pas du monde en parlant. On se sauve nous-mêmes si on a la parole. Si on est capable de générer la parole qui permet d'exprimer tout ce qu'il y a en dedans, nous, on se sauve, oui, puis on guérit, oui. Mais on ne guérit pas, puis on ne sauve pas l'autre. On fait juste peut-être le préparer un peu, peut-être le supporter temporairement, mais quand il va manger des volées, moi, j'ai vu des gens que je pensais qu'ils étaient solides comme du rack, puis ils mangent une volée, puis c'est game over, là. Fait que, tu sais, même Non, si non, j'ai parlé avec eux autres pendant des années, je suis d'accord fait que ça n'a avec pas toi. rapport, là. Non, non, je suis d'accord avec toi parce que tu peux parler avec quelqu'un, mais si la personne, dans le fond, n'est pas capable d'absorber ce que tu vis, l'énergie, puis n'est pas capable de la générer par elle-même, n'a pas d'autonomie psychique réelle, puis est tout le temps à ta remorque pour que tu l'ajustes puis la stabilises, bien, la personne moindrement qui est confrontée à un obstacle, elle va s'effoirer si t'es pas là, tu sais. Ben, c'est parce que c'est beaucoup le quand c'est comme c'est des hiérarchies universelles, c'est que plus le taux vibratoire est élevé, ceux qui ont un taux vibratoire inférieur vont automatiquement être magnétisés. C'est un peu comme un soleil qui attire. Tu sais, parce qu'il y a une force gravitationnelle. La force gravitationnelle qui est plus un champ magnétique en soi, le champ magnétique va toujours attirer les taux vibratoires qui sont moins hauts. Puis ça, c'est même pas une caractérisation de l'individu étant bon ou mauvais, c'est plus la capacité d'expérience que la personne a vécue avec son double ou sa source. Puis ceux qui en ont pas développé beaucoup, ben ils vont vivre à travers toi. Puis ils vont tellement vivre à travers toi, puis des fois ça paraît pas parce qu'ils ont vraiment l'air de vivre leur vie, mais ils vivent leur vie à travers l'impression de ta personne au lieu de vivre leur vie à travers la reconnaissance que quand lui parle, c'est de l'esprit, puis si je reconnais ça, c'est parce que moi aussi j'en ai, fait que je vais commencer à être en échange avec ça, au lieu de penser toujours à la personne qui a parlé ces choses-là. Non, non, je Puis comprends ça, très c'est... bien ce que tu veux dire. Bon, on le voit Ouais, hein? dans le domaine des gens qui s'intéressent à la conscience supramentale. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont citer Bernard de Montréal, Daniel Kemp, donc différentes personnes là, qui ont initié le mouvement ici au Québec. Bon, moi-même aussi, j'ai déjà cité Bernard, là, je veux dire, mais le point, Ben oui, c'est il n'y a pas ça. de problème. C'est ça. Il n'y a pas de problème avec les gens qui parlent. Puis les gens qui sont magnétisés par ceux qui parlent, ça fait partie de la game aussi. C'est juste qu'il faut accepter que si on n'a pas d'identité, il faut être capable tranquillement, pas vite, de le voir, puis de commencer à travailler avec ce qu'on a. Moi, Exact. je me rappelle quand j'étais plus jeune, vers 20-21 ans, puis j'avais créé une identité superficielle très, très tough, mais intérieurement, je me sentais comme un moins que rien. Puis c'est avec le temps que j'ai commencé à parler, puis là, c'était du monde que j'entendais, que j'avais déjà entendu, puis je répétais ce que les gens disaient, puis je me sentais pas bien avec ça. Il y avait quelque chose en moi qui savait que, ah, ça vient de quelqu'un d'autre, ça. Puis avec le temps, ben, j'ai commencé à parler à partir de moi-même, parce que j'avais vécu suffisamment d'expérience pour parler à partir de moi-même. Oui, en faisant une synthèse de des choses qui ont déjà été dites, mais des parler à travers mon expérience à moi. Puis c'est ça que quand toi tu parles à travers ton expérience à toi de façon, je pourrais dire, impersonnelle, ça veut dire que ça parle tout seul, ben il y a des gens qui vont dire hein. Puis au lieu de juste reconnaître que c'est la même affaire pour eux autres, qu'à cause que l'attention est dirigée sur la personne qui, au lieu d'être sur ce que tu restes, ben là, ça crée une impression. Puis cette impression-là, souvent les femmes, soit ils vont avoir soit un dégoût envers la personne parce qu'ils vont se sentir inférieurs, ou ils vont avoir un magnétisme qui va se transformer vers une espèce d'amour sentimental. Puis dans les deux cas, ça crée un déséquilibre. Ouais, ça crée une Fait que moi, polarisation. exactement. Puis c'est dur d'aller chercher de la neutralité dans le relationnel aujourd'hui parce que les gens n'ont pas assez de centre. Leur centre de gravité n'est pas bien Ben, bâti. T'sais, autant y en physique as-tu déjà eu qu'émotif. assez? C'est ça le point. C'est que moi, j'ai l'impression qu'avant la crise du coronavirus, puis le temps actuel d'aujourd'hui, les gens ne l'étaient pas centriques. Ben non, mais c'est dur d'être centrique parce que centrique, ça veut dire être seul avec ce que tu sais, seul avec ce que tu vis, puis d'essayer de traiter avec ce que tu vis seul le plus longtemps que tu es capable, mais quand tu as vraiment besoin d'aide, être capable de le demander, d'être vulnérable. Puis il y a tellement d'orgueil aujourd'hui parce que quand, moi je le sais parce que j'étais très orgueilleux avant, quand tu n'as pas d'identité, tu es orgueilleux parce que tu as tellement rien à toi. Que le peu que tu as, tu veux le protéger à tout prix parce que sinon tu vas être déconstruit dans ta personne. Mais il faut que tu sois déconstruit dans ta personne parce que le processus d'évolution, c'est de détruire la forme, pas en rajouter par-dessus. Nous autres, on s'est fait éduquer à rajouter par-dessus plus de connaissances, plus de matériel, plus de ci, plus de ça, au lieu de débarrasser. puis ben, c'est ça, mais ça, là, présentement, qu'est-ce qu'on fait? On accumule les formes, on accumule les mesures sanitaires. Là, ça prenait le masque obligatoire, ça prend le 2 mètres, ça prend le couvre-feu, ça prend ensuite le port du masque au visage pour les enfants, ça prend le port du masque dans les résidences de personnes âgées. Là, je pourrais passer les prochaines minutes à te donner des exemples de mesures, mais on en accumule de la forme liée aux mesures sanitaires. Oui, mais si on regarde l'individu au niveau individuel, on le voit-tu à quel point il est capable d'en prendre de la marde? Moi, ça fait des années. Écoute, ça fait 14 ans que j'entraîne du monde. Mm-hmm. Puis si tu voyais, j'ai rencontré au-dessus de 1000 clients, la quantité de monde qui mange des volets puis aime ça manger des volets, tu leur dis, pourquoi tu te fais souffrir avec ça? Pourquoi tu fumes pas ta cigarette sans te sentir mal? Tout le monde se tape dessus. Fait que le gouvernement tape dessus puis toi, tu tapes dessus, ça change plus rien. Les gens sont capables d'en prendre, là. Moi, c'est ça que je trouve incroyable. C'est sûr que plus tu deviens conscient, ton niveau de sensibilité est tellement élevé, la moindre manipulation ou domination dans ta conscience ou dans ton être, tu es obligé tout de suite de te mettre en vibration. Ça se fait tout seul. C'est comme un instantané. C'est un automatisme. Ouais. Mais quand tu n'as pas d'identité puis que tout ce que tu connais, c'est les hauts et les bas, ben tu vis des hauts puis des bas, puis des hauts puis des bas. Puis là, le monde, ils disent, ah, ben là, c'est une nouvelle mesure, mais c'est juste pour un mois. Ah, parfait, c'est juste pour un mois. Bien, c'est ça, ça permet de faire accepter la pilule en disant c'est temporaire, puis finalement, ça se prolonge pendant plusieurs mois. Tu te rappelles comme moi, le confinement commence à commencer au mois de mars 2020. Ah, c'est un petit 2 semaines. Fait que finalement, 2 semaines devient 1 mois. Finalement, 1 mois devient 3 mois, 6 mois, 9 mois. Puis là, on se rapproche de bientôt d'un an là, de dictature sanitaire. Ben oui, puis ça va continuer comme ça jusqu'à ce que les gens en aient assez. C'est tout. Pendant ce temps-là, faut vivre notre vie. Moi, je me garde informé dans les médias, mais j'ai absolument aucun espoir dans aucune personne ou être sur Terre qui va nous sauver de notre idiotie. Parce que tout ça, là, c'est toujours, toujours, toujours. Il y a toujours une affaire qui est derrière tout le mouvement de désordre planétaire, là. C'est de l'insécurité. Puis l'insécurité, elle vient de où? Ça vient d'un manque de contact avec son immatérialité. L'homme, il est trop identifié à sa matérialité, puis il a peur de mourir, il a peur d'être malade, il a peur de perdre ce qu'il a gagné, il a peur de perdre ce qu'il a travaillé, il a peur d'être oublié. Ben, c'est ça. C'est toutes des affaires qui traitent des centres inférieurs de l'homme. Ça veut dire la survie, la reproduction, puis le pouvoir. Mais à un moment donné, il faut que l'homme il développe des centres un petit peu plus haut. Pas parce qu'il veut en lisant des livres ou en faisant des techniques ou en écoutant des enregistrements, mais en confrontant ce qui lui fait peur. Tu sais, s'il y a une crainte de faire quelque chose, il devrait le faire graduellement pour éventuellement être débarrassé de cette crainte-là, de réaliser que c'était seulement une imposition dans sa conscience de quelque chose qui semblait beaucoup plus grave ou épeurant que ce que c'est vraiment dans la réalité. Puis tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se réveillent. Puis je suis d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce mécanisme d'action-là. Les gens, on les a éduqués à être confortables. Mm-hmm. De plus en plus, les technologies, c'est pour empêcher la personne d'elle-même faire ce qu'elle est en train de faire. Tu sais, un auto, on veut des autos intelligentes qui se conduisent tout seul. Moi, j'aime ça, conduire mon véhicule. Je peux-tu le conduire, mon véhicule? Tu sais, à un moment donné, c'est quoi le but, là? D'être assis puis pas bouger puis que tout se passe devant toi sans que tu fasses rien. Ah, ben, c'est parce que ton temps pourrait être utilisé à d'autres choses. Par exemple, tu serais dans un véhicule, tu pourrais écouter un film, tu pourrais aller sur Netflix, aller voir des vidéos. Oui, mais la vie, à un moment donné, là, écouter des vidéos, c'est le fun. Hein? Mais la vie, c'est pas écouter des vidéos puis d'être sur les médias sociaux puis ça être sur l'Internet. La vie, c'est dans la nature. La vie, c'est avec d'autres personnes. La vie, c'est dans des activités, c'est dans des crafts que tu développes, des facultés que tu développes. C'est ça, la vie. Bien, c'est intéressant que tu amènes ça, dans le fond, d'être en contact avec la nature, parce que présentement, depuis le début de la crise, j'ai l'impression qu'il y a une pression sociale à travers les mesures de confinement pour nous dénaturer. C'est-à-dire qu'on valorise le télétravail, les études à distance, puis plus de temps devant l'écran, plus de temps tout seul, puis confiné chez soi, pas sortir dehors. C'est sûr qu'avec le couvre-feu, c'est évident, mais je crois qu'il y a un mouvement d'accélération où ce qu'on cherche à, dans le fond, dénaturer l'être humain puis de faire de lui tout simplement un consommateur de médias. Ouais. Ouais, mais en même temps, moi, je suis tellement heureux de voir que les gens sont forcés dans la solitude parce que inévitablement, ils vont vivre de la solitude à un moment ou à l'autre dans leur vie. Quand tu meurs, tu vis une grande solitude, mais en même temps, le vide de cette solitude-là est remplacé instantanément par une force qui te supporte. Puis plus la personne va être seule puis va souffrir de sa solitude, il y en a qui vont aller un petit peu plus loin, puis il y en a que ça va faire. Ben, tant, finalement, Chris, les gens avec qui je travaillais, ils me tapaient ses nerfs, ils me tiraient de l'énergie. Là, je suis capable de faire mon travail chez nous tranquille, puis j'ai la paix, puis j'ai plus de concentration. Mais il y en a que ça va être bon, puis il y en a que ça va être moins bon. Mais c'est tout un mouvement pour renouveler l'individu. Il faut qu'il sorte de sa structure. Parce que c'était tellement pourri la société qu'on avait avant. On pouvait pas continuer là-dedans encore 20 ans, là. C'était complètement nauséabond, là. Non, T'sais, non, c'est ça. Dans le fond, on s'en allait collectivement vers un mur, là, notamment avec la surconsommation, etc. C'est sûr que les effets positifs, si on peut les appeler comme ça, du confinement, ça a été entre autres la diminution de la circulation urbaine dans des grands centres. T'sais, si je pense à la ville de Québec, où il y avait des problèmes d'embouteillage le soir, le matin, sur la route. Bien, si les gens font du télétravail, ben on n'a plus ces problèmes-là. Puis à ce moment-là, est-ce que ça va devenir pertinent de faire un troisième lien? Parce que là, il y avait les deux pompes. Là, il y en a qui voulaient faire une autre pompe. Là, ça coûtait une fortune. Ou développer le tramway puis le transport en commun. Bon, ben, les problèmes de déplacement des citoyens puis de neutraliser l'embouteillage, ben, ça va se faire s'il y a du télétravail de plus en plus, là. Donc, ça va réduire la pollution aussi atmosphérique associée aux véhicules qui produisent du gaz à effet de serre. Les gens dans notre société ont besoin de pratiquer un hobby, de cuisiner, de dessiner, de faire quelque chose avec leurs mains. C'est ça que l'humain a de besoin, puis c'est de ça qui est tellement dénaturé. Moi, je regarde ça, là, mettons, je regarde la boulangerie à côté de chez nous, là, puis ils font tout à la main, là, puis c'est tout. T'sais, ils passent leur journée là-dedans, eux autres sont heureux au bout, là. Puis il y a des gens ils ont toutes sortes de qualités ou de talents qu'ils sont capables de mettre en pratique. Puis s'ils pouvaient juste se concentrer là-dessus, au lieu d'essayer de faire expandre une compagnie ou expandre une ville ou hey, on va mettre un métro, un train là, puis un tramway, puis ça va coûter des centaines de milliards de dollars. Puis pourquoi tu fais pas juste donner de l'argent au monde pour qu'ils se partent des business qu'ils aiment? Tu sais, je sais que c'est utopique ce que je dis là, mais l'humain, là, tout ce qu'il a de besoin, c'est de revenir à un travail. Tu sais, des pays sous-développés, là, oui, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont toujours en train de travailler sur quelque chose. Ils ont toujours un petit skill qui leur permet de gagner assez d'argent pour vivre. Puis, je pense qu'on va être comme forcé de retourner éventuellement à quelque chose comme ça, de la simplicité, un certain nationalisme, une certaine autosuffisance au niveau de la nation. Puis, ça ne veut pas dire bloquer les gens ou empêcher les gens de venir ici, mais ça veut dire de s'autosuffire, apprendre à être autonome. Se responsabiliser, arrêter d'attendre après le gouvernement, puis d'attendre après des. C'est pas des gens qui sont compétents au niveau de l'être humain, ça, qui sont en politique. Ben, C'est des en gens qui ont. général, non. Ben non. Regarde, moi, le premier ministre, puis M. Dubé, puis Dr. Arruda, c'est pas des gens qui sont capables de courir 5 km, là. C'est pas des gens qui sont capables de faire un skill quelconque, skier ou. Tu sais, ça prend du monde qui vive pour avoir une vision pour une société, pour les amener plus loin. Des gens qui sont dans les chiffres, puis dans la paperasse, puis dans les politiquement corrects, dans les toutes sortes de costumes, puis de façons de faire. C'est complètement c'est comme un gros boulet, là. Tu sais, on traîne un boulet. De la gestion du monde dans le système de santé, plein d'échelons de gens qui prennent des décisions l'une après l'autre. Tout est lourd. Tu sais, c'est extrêmement lourd. Ils ont les yeux tous par en bas. Tout le monde est par en bas. Mais dans le fond, tout ce que le monde a besoin, c'est d'avoir du plaisir. Puis du plaisir, ce n'est pas juste du divertissement puis du gaspillage. Du plaisir, c'est de perfectionner une habileté, de rendre Exactement. ton habileté une job, de faire de quoi que tu aimes dans ta vie puis de gagner ta vie avec ça. Mais d'être capable d'avoir le cœur à bonne place, puis de mettre le travail, puis prendre le temps que ça peut prendre. Moi, ça fait des années que je développe ce que j'aime. Puis là, ça fait 14 ans, puis j'arrive à quelque part avec ça. Mais tu sais, il faut pas penser que, oh, c'est trop difficile, ben je vais aller travailler pour une compagnie qui est safe, ou je vais faire ça parce que c'est safe. C'est pas vivre, ça. Tu sais, les gens vont être sur leur lit de mort après ça, puis ils vont dire, Chris, pourquoi j'ai pas fait ce que j'aimais? C'est toujours la peur, tu sais, on a peur de ci, peur de ça. Ouais, ben c'est Triste. Moi, je ça. trouve C'est ça que les dommage. gens ont tendance à se sacrifier au nom de la peur. Et c'est sûr que quand on en regarde avec la gestion de la crise du coronavirus, ben on est en train de sacrifier la génération des jeunes, la génération montante, en disant ben au cas où que vous contaminez vos parents ou grands-parents, ben là on va vous demander de porter le masque en classe, on va vous demander de ne pas rencontrer des jeunes en dehors des cours, sauf la bulle classe, puis on va toutes les mettre dans des règles qui sont rigides, qui sont de l'embrigadement psychologique, là, tu sais. Moi, je pensais que les adolescents auraient été un petit peu plus rebelles que ça, puis je suis un petit peu désolé d'apprendre qu'ils sont très obéissants. Je pensais qu'ils seraient. Moi, j'aurais jamais toléré ça des masques à 15 ans, secondaire 3, là. Oublie ça, là. Ben moi, je m'imagine difficilement. Par contre, je me dis toujours, je regarde ça avec les jeux d'aujourd'hui. Si je serais dans un contexte différent où ce que les profs, les parents, tout le monde me répéterait, le coronavirus, c'est dangereux, j'écoute la TV, c'est dangereux, c'est dangereux. Ben là, peut-être que je serais plus endoctriné, là, tu sais. Oui, mais ça, c'est vrai parce que ça m'amène sur un sujet qui peut être intéressant à parler. C'est, on a-tu déjà parlé de ça, l'influence des technologies ou, tu sais, les médias sociaux, les téléphones, ces affaires-là? Je vais en parler un peu parce que Oui, si je me parlons-en. répète, je m'en excuse. OK. Mais moi, je te fais un petit background sur le début de la technologie dans ma vie, OK? Quand j'avais, je pense. J'ai une TV, on a eu une TV la première fois de ma vie à 10 ans, puis c'est une TV qui n'avait même pas le câble. Puis après ça, j'ai eu une TV avec le câble, mais c'était, j'avais pas le droit à faire plus qu'une heure par jour. Puis après ça, on a eu un ordi de la famille en 2000, je pense 2002, 2003, là. Puis c'était un vieil ordinateur, puis on pouvait rien faire avec, là, t'sais. Fait que ça a été long avant que moi j'aie accès à un ordi, mais dans ce temps-là, les téléphones, ça n'existait pas vraiment. En tout cas, les cellulaires, il n'y avait aucun jeune, quand j'étais au secondaire, secondaire 1, 2, que c'était des gros téléphones ou que tout le monde avait un téléphone. Les gens n'avaient pas beaucoup de téléphones dans ce temps-là, ou du moins, c'était un ordinateur avec MSN Messenger, puis tu te parlais des fois par le téléphone de la maison chez tes parents. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'espace. Puis à un moment donné, moi, j'ai commencé à avoir un ordinateur de table. Puis ça a été mon premier ordinateur. Puis je me rappelle, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Fait que j'ai appris à faire de la recherche puis résoudre des problèmes avec l'ordinateur. Puis à un moment donné, ben, je lisais, je regardais des films, je regardais des vidéos. Tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai comme développé ça. Puis là, les téléphones intelligents sont arrivés. Mais moi, avoir été plus sur un ordinateur de bureau, ben, le téléphone, je l'utilisais presque pas. Puis ça a été jusqu'à, je te dirais, il y a 2 ans que j'ai comme réalisé, j'ai fait, Chris, dans le fond, là, je vois chez les gens, puis il n'y a plus personne qui a des ordis. Les gens ont soit un iPad, un portable ou un téléphone. Puis il y en a qui ont juste un téléphone, puis qui font tout leur écran là-dessus. Puis ce qui est capoté, c'est que maintenant, là, avant l'Internet, c'était Internet sur un ordi, puis tu pars sur un site de recherche, puis il faut que tu cherches quelque chose que tu veux voir. Maintenant, l'Internet, c'est un téléphone, c'est des applications qui ont déjà du contenu. Fait que là, tu cliques sur Facebook, puis tu vois selon qu'est-ce que t'aimes. Fait que c'est une bulle. Puis après ça, tu as Instagram, Snapchat, puis toutes sortes d'applications qui ont du contenu média, soit des vidéos, des photos ou du texte. Puis c'est toujours dans ton barème de ce que t'aimes ou de ce que l'algorithme pense que t'aimes. Fait que plus tu évolues là-dedans, en n'ayant pas fait de la recherche par toi-même ou en lisant des choses sur Internet, puis passant d'un site à l'autre ou faisant des recherches dans des revues scientifiques ou des livres ou quelque chose, bien, c'est presque impossible pour toi de t'éduquer parce que tout ce que tu vois, c'est soit des articles que quelqu'un a postés qui amènent sur un média. Moi, ce que je vois, mettons, sur les médias sociaux, c'est soit un article de journal officiel ou un site qui se prétend un site de média, mais qui pose toutes sortes d'affaires qu'il y a très peu de sources. Puis, fait que ça t'amène dans beaucoup de polarités. Tandis que quand les gens avaient plus accès à de la recherche avec des livres, des bibliothèques, avec Internet, dans le temps, là, avec Alta Vista, là, puis là, tu allais sur Alta Vista, Google n'existait même pas dans ce temps-là, puis tu essayais de chercher des affaires, puis là, c'était long, la connexion était lente. Fait que tu sais, ça te forçait à prendre ton temps. Maintenant, là, tout va vite. Tu sais, le téléphone, ça va super vite. Tu cliques, cliques, cliques, cliques, cliques, tu regardes plein d'affaires, tu défiles du contenu, tu défiles du contenu. Après ça, tu t'ennuies, tu veux une personne dans ta vie, tu vas sur Tinder, là, tu swipes à droite, swipes à gauche, swipes à droite, swipes à gauche. Il n'y a jamais rien qui est concret, il n'y a jamais rien qui débouche à rien avec ça. Puis moi, je pense que la guerre de l'information est dans tranquillement l'entonnoir de regarde ton téléphone seulement, puis tout ce que tu vois dans ton téléphone, c'est ta réalité. Je dis pas que Ben, c'est la c'est ça, réalité, mais ça devient ta c'est réalité. intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un documentaire présentement sur Netflix. Ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée, là. Et en lien avec ce que tu dis, ça décrit vraiment le phénomène, là, où ce que les gens, mettons, sur Facebook, YouTube, tu sais, ils vont cliquer sur un lien d'un type vidéo, mettons, la Terre est plate, là, ils vont relayer à d'autres vidéos que la Terre est plate. Puis là, à force de voir des vidéos que la Terre est plate, ben, la personne va finir par croire ça, tu sais. Ben oui, puis là, tu sais, mettons, normalement, quand tu vas à l'école, moi, j'ai arrêté en formation professionnelle, puis j'ai un secondaire 5, fait que j'ai pas d'études collégiales ni universitaires, mais normalement, dans des cours collégiales et universitaires, ils t'apprennent à faire de la recherche. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris à faire de la recherche. Moi, je l'ai pas appris à partir du système. Moi, je l'ai appris parce que j'ai un insatiable désir de vérité. Puis avant, là, c'est plus un désir de vérité, c'est plus juste de regarder les choses pour apprendre. Mais avant, je voulais être sûr que c'était ça. Fait que tant et aussi longtemps que j'avais pas la satiété que l'information, c'était ça, je continuais de chercher. Mais aujourd'hui, l'information te permet pas vraiment de faire aller plus loin parce que tout est comme un entonnoir vers une direction qu'ils veulent que tu regardes. Tu sais, si mettons là, pendant les élections américaines ou 3 4 mois avant les élections américaines, tu allais sur Internet puis tu regardais les élections, probablement que tout ce que tu allais voir tendait vers la démocrate. Parce que si tu as un point de recherche qui est très fixe sur les médias de recherche comme Google, ils vont pas t'envoyer exactement où ce que tu veux. Ils vont t'envoyer sur quelque chose qu'ils veulent que tu regardes en premier. Ils vont prioriser les sites qui sont les plus crédibles, entre guillemets. Fait que toi, si tu n'as pas une recherche précise ou tu ne sais pas les choses précisément parce qu'au préalable, tu n'avais pas accès à cette information-là, mais toutes les recherches que tu vas faire vont être légèrement biaisées. Puis ils vont être biaisées à cause que les sociétés technocratiques, ben, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est imposer un certain narratif. Puis dans ce narratif-là, ils acceptent des affaires un peu désordonnées, là, comme les complotistes puis ces trucs-là. Même s'il y a de l'information, à quelque part, il y a de la vérité puis il y a du mensonge. Mais il y a toujours de la vérité puis du mensonge. Toute information mérite d'être observée de façon égale. Mais là, quand il y a un mouvement qui veut comme restreindre l'information à de plus en plus une information qui est très unique, de pensée unique, puis c'est de même, mais là, il commence à avoir un problème. Puis je pense que les gens le remarquent pas parce que ce qui est censuré, ça fait leur affaire. Ben, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'automne 2020, en lien avec la crise du coronavirus, je pense que ça a attiré l'attention des gens que, par exemple, YouTube ait censuré Alexis Cossette-Trudel, Jean-Jacques Crèvecœur, puis plein d'autres personnes aussi, là, qui dénonçaient des choses par rapport à la crise, là, les gars du studio aussi. Donc, Oui, mais moi, ça m'étonne pas que ces gens-là se soient fait censurer parce que c'est du monde que, oui, ont un bon côté, mais ça fout du trouble. Moi, ce que j'ai un problème, c'est quand on censure des médecins, quand on censure des scientifiques, quand on censure des épidémiologistes, quand on censure des infectiologues. Ça, j'ai un problème avec ça. Parce que ça, c'est des gens de science. Puis moi, qu'on arrête quelqu'un qui fasse un web journal, qu'ils censurent, ça m'étonne même pas de YouTube, parce que dès que ça dit pas qu'est-ce qu'eux autres ils ont envie d'entendre, ils l'enlèvent. Puis en même temps, Alexis, il est controversé, mais un infectiologue de carrière ou quelqu'un qui est un médecin de carrière, un scientifique, c'est pas controversé. Ça devient controversé quand tu veux pas qu'il parle. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec la censure d'un président américain, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On ne fait pas ça. Ça se fait pas. Ben c'est ça, tu sais, C'est. si Donald Trump est bloqué sur Twitter, parce que Twitter est sous l'influence du complexe technocratique qui sont plus démocrates plutôt que républicains, ben là, on a un problème, là. Je comprends que les gens n'aiment pas Donald Trump. Moi, je l'ai longtemps pas aimé, Donald Trump. Mais je suis capable au moins de voir que c'est un homme qui voulait faire voir un message de dire, écoutez, moi, j'aimerais ça que on puisse s'occuper de notre pays. Puis oui, il voulait faire de l'argent. Puis oui, probablement qu'il c'est pas un gars qui est 100% net. C'est sûr et certain. Il n'y a personne en politique ou en affaires qui est 100% net. C'est juste pas possible. Pas à ce niveau de financier-là. Fait que Le but est pas là, mais le but, c'est que si tu commences à empêcher de l'information de circuler, là, tu commences à imposer une vision totalitaire des choses d'une façon, d'un absolu, puis il y a seulement un absolu qui est accepté. Puis là, les gens acceptent la censure parce que tous les gens qui sont censurés, c'est des gens qui sont controversés. Mais quand ils vont commencer à censurer les gens que toi t'aimes, là, tu vas dire, hey, pourquoi lui a plus le droit de parler? Là, tu vas te poser des questions. Fait que c'est facile en ce moment d'appliquer la censure parce que tous les gens qui sont censurés, c'est tous des gens qui vont contre le narratif. Mais la réalité, c'est qu'ils sont tous. Ils vont tous par. C'est comme. Ils sont censurés d'un site, ils apparaissent ailleurs. Ben, c'est ça, Ils c'est apparaissent que ailleurs. Ils apparaissent. tu vois sur Odyssey, qui est une plateforme qui est en train de prendre la relève de YouTube. Donc, plus en plus de gens qui quittent YouTube et qui vont sur Odyssey. Ben, eux autres, j'ai reçu une lettre d'eux autres là, récemment dans ma boîte courriel, parce que je me suis abonné à Odyssey. Ben, ils disent, écoutez, on est l'endroit où ce qu'on favorise la liberté d'expression, à différence de d'autres endroits. Fait que là, eux autres vont chercher des parts de marché. Ben oui. Puis de toute façon, de plus en plus, les gens vont sortir de la controverse puis vont commencer à regarder les faits. Puis la Ben, il raison faut que pourquoi tu sois les gens regardent pas suffisamment, les c'est faits. ça, il faut que tu sois suffisamment objectif pour regarder les faits. T'sais, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie avec l'endoctrinement, ben, ça a duré sur plusieurs années, là. Ben oui, puis ça se fait tranquillement. Puis les gens l'acceptent. Il y Ben, a c'est des gens ça, qui c'est très l'acceptent. Il y a des insidieux, gens qui l'acceptent pas. c'est ça, c'est très insidieux. Ah, c'est juste un masque. Ah, ben, c'est juste le traçage numérique sur le téléphone intelligent. Ah, c'est juste une alerte rouge COVID, là, une alerte d'urgence civile. Ah, c'est juste un couvre-feu, puis tantôt, ben, ça va être quoi? Ah, c'est juste une vaccination, ou ah, c'est juste un internement dans un camp COVID. Ben, ça, c'est un autre aspect. Tu sais, ils n'en parlent pas beaucoup, les médias, mais présentement, les douaniers, si quelqu'un revient au Canada, non seulement depuis le 7 janvier, il peut leur demander d'avoir un test qui stipule qu'ils n'ont pas le coronavirus, mais s'il évalue que le plan de confinement n'est pas adéquat d'un individu, de force, le douanier peut décider que la personne va aller dans une installation fédérale de quarantaine. Ben, moi, j'ai vu aucun témoignage de ça, puis j'ai vu aucune preuve de ça. J'ai entendu parler de ça, puis je sais pas jusqu'à quel point c'est mis en action, là. Bien, probablement que les médias mettront pas l'emphase là-dessus, qui envoient du monde de force dans des camps de quarantaine, là. Mais techniquement, ça existe. Je peux te donner au niveau du site, c'est le site officiel là, par rapport au gouvernement fédéral. C'est marqué, dans le fond, blanc sur noir, c'est marqué clairement là, qu'ils peuvent faire ça. Au niveau théorique, Ben, c'est ça. C'est sûr que dans c'est oui, l'application pratique, je c'est me pose ça. des questions. C'est un peu comme l'histoire de l'amende que. Quelqu'un qui, dans le fond, respecte pas le confinement peut avoir une amende de 750 000 $ ou un emprisonnement 6 mois. Ça, j'en ai pas vu à date, là. Non, puis trust-moi qu'il se serait fait un plaisir de t'en parler. Ben, c'est Mais ça, tout là. ça pour dire que, à un moment donné, ça fait longtemps que ce mouvement-là est en branle. Dans mon expérience personnelle, moi, ça fait depuis 2001 que c'est commencé, là, pour moi, dans ma vie, là. C'était commencé avant ça, là, mais tu sais, quand ils ont instauré aux États-Unis le Patriot Act, Oui, suite c'était le aux début de la attentats du fin. 11 septembre, là, où ce qu'annonçait que grâce à ça, à cause qu'il parle d'autres menaces terroristes, ils ont le droit d'espionner tout le monde là, sans avoir un mandat du juge, là. Exactement. Puis ça a continué après ça avec le mandat de Barack Obama en 2008, avec les drone strikes, puis des prisonniers à pu finir à Guantanamo Bay, puis des opérations d'assassinat dans les pays du Moyen-Orient. Tu sais, ça fait longtemps que il y a du bordel. C'est juste que là, c'est la première fois que le bordel est dans notre cour. Puis là, on mange nos bas, là. Mais tu sais, si on avait eu à vivre là, une invasion des États-Unis comme l'Irak a vécu là, pour aucune calisse de raison, là, je vais Ah te dire ben, que eux autres, à t'as. l'époque, ils croyaient qu'il y avait des armes de destruction massive, puis Colin Powell avait déclaré devant le Congrès américain, on est sûr, là, on a des sources vraiment fiables là, qui ont des armes, fait que c'est justifié. Puis finalement, ben, ils ont envahi, puis ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'armes, puis inquiète-toi pas, qu'ils sont pas revenus en arrière, puis ils ont resté là. Ben exactement. T'sais, puis de toute façon, le public, là, la réalité, c'est qu'il n'y en a rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? T'sais, CNN a dit, ah, oh, on les cherche, là. Ah, oh, on les cherche, là. Oh, on les cherche, inquiétez-vous pas, on va les trouver. Ah, oh, là, on a trouvé quelque chose. Là. Tu sais, au pire, ils ont pris des bombes à eux autres, puis ils les ont mis là, puis ils ont fait un article de journal avec. Tu sais, c'est. La population générale, là, surtout quand t'es pas là-bas, là, t'as aucune crise d'idée de ce qui se passe. T'as juste l'idée des médias puis des troupes que tu rencontres après. Mais Exact. moi, j'en ai rencontré des militaires qui sont allés au Moyen-Orient, là, en Afghanistan, parce qu'au Canada, ils allaient en Afghanistan la plupart. Il y en a, sont tous réveillés. Tous ceux qui sont allés en Afghanistan après, là, ils se parlaient entre eux puis ils ont dit: Chris, qu'est-ce qu'on faisait là, nous autres? T'sais, ils patrouillaient des affaires, puis ils surveillaient, ils laissaient passer des trucks, du monde louche qui rentrait puis qui sortait, des opérateurs, du monde, là, comme tu vois dans les films, des contracteurs qui s'en vont dans une ville, puis ils vont ramasser de quoi, puis ils s'en vont. Puis, t'sais, t'avais l'impression d'être au Mexique, là, t'sais, guerre de cartel. C'est quasiment la même affaire, là. Eux autres, c'était toute une question de contrôle des champs d'opium, puis être sûr que les talibans puissent pas revendre ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'informations qui est sortie après, mais à cause que c'est fini, les gens, on dirait qu'ils s'en rappellent plus. Tu sais, ils se rappellent pas que le 11 septembre, il y a eu deux avions à New York qui ont frappé deux tours, puis il y a trois édifices qui se sont écroulés de la même manière. Ah oui, avec la tour numéro 7, ouais. Sans rentrer dans aucune raison pourquoi ça s'est passé, là. Juste ça devrait être assez pour t'ouvrir les lumières, ouvrir les yeux un peu vers qu'est-ce qui se passe, t'sais? Pourquoi que toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde ont toujours été comme un petit peu provoquées, t'sais? On va le dire légèrement, là, un peu provoquées, Bien, il y en a qui t'sais, ça a été à. carrément provoqué, ça a été démontré. Si on pense à Adolf Hitler, que lorsqu'il avait pris le pouvoir total en Allemagne, il avait accusé les Juifs et les communistes d'avoir mis le feu au Reichstag, le Parlement allemand, alors que c'était Ouais. lui-même qui l'avait fait. T'sais, on l'a appris par la suite, là, t'sais. Après ça, tu as eu Pearl Harbor qui était avisé à l'avance qu'il allait avoir des bombardements japonais, puis qui n'ont pas bougé leur flotte, puis qui ont attendu que la flotte se fasse complètement démolir pour rentrer en guerre. C'est ça, puis dire Après c'est ça, des pendant. monstres qui nous ont attaqués, etc. Ils ont attaqué des civils. Ouais. Ben oui. Puis après ça, c'était la même affaire pendant la guerre du Vietnam. Ils ont dit qu'ils ont attaqué un bateau. Dans le golfe de Tonkin, puis là, finalement, le bateau, il a jamais été attaqué, puis ils ont commencé une guerre sur une spéculation. Puis ça, une guerre qui a duré combien de temps, genre 10 ans? 10-12 ans? La guerre du Vietnam, je me rappelle pas par cœur, mais ça a duré quand même une bonne période de temps. Ouais. T'sais, il y a eu 70 000 et plus soldats américains qui sont décédés. C'est quand même. C'est toutes des affaires qui sont settées à partir de rumeurs ou de désirs de pouvoir, puis les gens achètent ça, puis ils croient ça, puis ils embarquent là-dedans, puis c'est encore la même chose aujourd'hui. C'est juste que les gens ont de la misère à faire des liens parce qu'il y a trop d'émotivité dans ce qui se passe pour être capable de s'asseoir puis de dire: Hey, ça ressemble pas mal à ça, hein? Ça ressemble pas mal à ça. Ça se pourrait-tu que ça soit ça? Sans tirer une conclusion, mais juste de le regarder puis de voir où est-ce que ça s'en va, au moins pour se préparer personnellement à vivre les événements futurs, puis pas vivre dans un monde imaginaire où est-ce que ça va bien aller. Ben oui, parce qu'au début de la pandémie, là, au mois de mars, puis avril, dans ce coin-là, là, tu sais, il y a eu la campagne, là, ça va bien aller, puis là, les gens mettaient des images là, dans leurs fenêtres avec l'arc-en-ciel. Puis finalement, ben ça va pas bien pantoute depuis plusieurs mois. Donc, la pensée positive, ça marche pas. Puis on est dans un engrenage. C'est sûr que le portrait d'ensemble, si on en fait une lecture avec le principe problème, réaction, solution, où des gens peuvent nous proposer des solutions alors que c'est eux-mêmes sont les instigateurs qui ont occasionné les problèmes. Ben, ce type de lecture-là, peut être pertinente par rapport à la période présente, dans le sens que on nous vend l'idée que le virus est une menace, un problème, mais à qui le crime profite, à qui l'argent va, ben c'est sûr que tu as les compagnies pharmaceutiques qui ont tout intérêt à ce que les gens aient peur du virus pour qu'ils consomment massivement des vaccins. Puis qu'il y ait peut-être même plusieurs campagnes de vaccination, parce que là, on parle par rapport au vaccin, qu'il y ait des mutations du virus. Fait que là, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait d'autres versions de vaccins. Tu sais, si d'autres types de virus qui se développent, d'autres versions là, du COVID, là. Toi, tu fais quoi par rapport à ça? Comment tu vis ça? Comment t'entrevois la vie pour les 5 prochaines années? Ben moi, j'entrevois des restrictions importantes là. Non, pour toi personnellement, Oui. comment tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? pour te garder toujours bien dans ta peau. OK, concrètement, ben c'est sûr que quand Ouais. que je parle avec toi ou d'autres personnes, moi, ça me fait du bien. Tu sais, ça me garde dans une belle vibration. Donc, ça, c'est au niveau de la parole. Ensuite, je vais continuer à faire mes exercices de yoga, des exercices de Qigong, exercices de méditation aussi. Donc, je vais prendre l'air aussi. Je vais aller marcher là, physiquement. Là, je fais du ski de fond ces temps-ci. C'est l'hiver au Québec. C'est sûr, je vais continuer à avoir ma campagne, avoir une vie amoureuse avec elle. Tu sais, je vais m'organiser Fait dans le pour. fond, t'en as pas de problème. Ben, présentement, j'en ai pas tellement. Ce qui me pose problème, par contre, c'est les restrictions, comme par exemple aller voir ma mère, ma grand-mère, les rencontres de famille. Cette année, on n'a pas pu célébrer le temps des fêtes parce que, bon, il y a des gens dans ma famille qui ont peur qu'on se rassemble, puis bon, je les respecte, là. Je leur imposerai pas qu'on se rassemble alors qu'ils sont pas à l'aise avec ça ou qu'ils ont peur d'être arrêtés par la police. Mais le fait qu'il y a des gens que j'aurais aimé voir pendant le temps des fêtes, que ça a été compliqué, ça m'a, ou que j'ai pas pu voir plusieurs personnes de ma famille simultanément, ça m'a contrarié. Ouais, ben c'est sûr que ça va être des moments comme ça qu'il va falloir qu'on se bloque de certaines choses. Comme moi, je suis forcé à vivre comme un moine. Puis au lieu de le résister, ben je l'exploite. C'est ce que je peux voir parce que on n'est pas sorti de ça, là. Pas en doute. Non, exactement, parce que la façon qu'on nous présente les choses à travers le vaccin, c'est qu'on nous laisse croire que ça va être une sortie de crise rapide, mais comme tu le disais tantôt, puis j'ai eu la même information en faisant mes recherches, c'est que le fait que la personne soit vaccinée avec les vaccins de Pfizer puis Moderna, ça n'empêche pas la contamination, ce qui veut dire que les mesures de confinement qu'on subit, ça ne fait pas disparaître, là. Même s'il y aurait au-dessus de 70% de la population qui serait vaccinée ou une masse critique, les mesures seraient obligées de rester parce que ça n'empêche pas la propagation. Ouais, mais il faut arrêter de regarder ce qui s'en vient, puis il faut commencer à vivre dans notre présent, puis faire qu'est-ce qu'on est bien. Se concentrer là-dessus, être créatif, toujours être capable de s'adapter. Oui. Parce que, tu sais, on vit dans une société où il y a déjà un courant, il y a déjà une direction qui est prise depuis longtemps. Puis nous, tout ce qu'il faut faire, c'est continuer à bien vivre. Puis bien vivre avec d'autres personnes dans la mesure où ceux qui veulent se voir se voient, là. Parce que sinon, tu sais, commence à. Le vaccin va-tu être obligatoire? Puis après ça va être. C'est pas important. Parce que la vie va toujours s'occuper de toi à ta mesure. Si t'as à être malade, tu vas être malade, puis ça va être intelligent que tu sois malade. Si t'es pas malade, tant mieux pour toi. Si t'as des tickets, faut que tu comprennes quelque chose. Tu sais, on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais c'est pas pire qu'avant. C'est juste que là, on le voit clairement. Là, on l'a dans notre face. C'est dans nos shorts. Puis c'est individuel, puis c'est social. Puis la société. Le monde va falloir que ça souffle, là. Chris, c'est sûr et certain. Personne qui va être capable de dire ah, on va sortir de ça, tout va bien aller. Non, non. Il va falloir que tu payes le prix. Tu sais, il n'y a pas de sauveur. Il y a le monde qui pensait que ah, quand Alexis Cossette disait si Trump rentre, c'est sûr qu'il rentre. C'est sûr qu'il rentre, là. Ça va être un nouvel âge d'or. T'es malade. T'es malade, man. Malade. T'es tellement désespéré, genre, t'es tellement pas bien dans la situation présente que faut que tu te fasses à croire que ça va être un âge d'or. Dans les lois de vie, il n'y a pas d'âge d'or avant d'âge de bronze. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu vives bien de la marde avant d'aller vers la lumière. Ça se fait individuellement, puis ça l'est à Ben oui, l'échelle mais c'est parce qu'à collective. travers la marde, c'est là que l'individu développe la force de volonté, la contenance, la centricité, son enracinement dans la matière. Parce que si la personne vivrait tout de suite, ben premièrement, elle ne pourrait pas contenir l'énergie de l'esprit. Si elle n'est pas assez ancrée dans la matière, elle ne peut pas contenir qu'est-ce qui est très éthérique parce qu'elle n'aura pas la stabilité. Exactement. Fait que c'est sûr que ça prend des oppositions pour que la personne, dans le fond, gagne en densité énergétique, capacité d'intégration. Et c'est sûr que par rapport à Donald Trump, moi, je l'ai jamais vu comme le sauveur, mais je l'ai jamais vu non plus comme l'antéchrist. Parce que ça, tu as du monde qui le définissent comme étant un sauveur, d'autres l'antéchrist, puis le polarise. Pour moi, c'est juste un individu qui exerce un rôle de président, puis mon salut individuel n'est pas entre ses mains. C'est clair. Non, mais je pense que la haine contre Trump, elle date d'un maudit bout. Puis Ben, c'est les beaucoup médias à l'ont cause entretenu de. depuis qu'il a été mis au pouvoir en 2016. Moi, c'est ce que je trouve le plus curieux. Prends n'importe quelle émission de TVA ou de Radio-Canada, qui sont les plus grandes chaînes de nouvelles ici au Québec. On le présente tout le temps en faisant des faux pas ou quelque chose de correct. Fait jamais de bons coups. Puis ça, c'est au-dessus de 4 ans, là. Tu sais, Ben quand oui. tu regardes ça, ça se peut pas que quelqu'un fasse tout le temps des erreurs. Tu sais, mettons, tu travailles avec quelqu'un, bon, il va faire des bons coups un matin, l'autre matin, des moins bons coups, mais tu sais, il va avoir du positif, du négatif. Dans ce cas-là, c'est tout le temps du négatif depuis qu'il est élu. Puis là, dans le fond, où est-ce qu'on en est rendu par rapport à lui au mois de janvier? Ben là, il y en a qui le présentent comme étant lui là, qui a été la cause d'une espèce de soulèvement qui a eu lieu au Capitole, là, une insurrection là, pour casser des lieux là, historiques là, au sein du Capitole, là, de saccager le Capitole. Voyons donc. Mais les médias, ils ont toujours un côté bien défini parce qu'il y a eu autant de massacres dans des villes américaines à cause des manifestations des partis de gauche. Exact. Puis ça a été poussé quasiment dans les médias comme étant le droit de parler, puis les Noirs s'expriment, puis ils veulent l'égalité, puis ci, puis ça. Mais ils se créent eux-mêmes une ségrégation. Quand tu écris des affaires comme Black Lives Matter, déjà, c'est polarisé comme message. Fait que c'est sûr que ça va attiser de la haine dans d'autres personnes. C'est pas la façon de faire. La façon de faire, c'est pas parler de ça puis t'arranger dans tes propres affaires. Si t'es dans un quartier qui a pas d'opportunité aux États-Unis puis t'as pas le torque pour t'en aller de là puis faire d'autres choses, mais c'est évident que tu vas en souffrir. Puis je comprends qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de ségrégation au niveau des races aux États-Unis. Puis je trouve ça déplorable que beaucoup de communautés noires, latinos, puis d'autres nationalités n'aient pas eu le même niveau d'opportunité que, mettons, des quartiers plus aisés de race blanche. Puis je pense que ça fait longtemps qu'il y a des tensions aux États-Unis à ce niveau-là, autant au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des idéologies politiques. Puis c'est un pays qui est sur le bord de la rupture là, en termes de guerre d'idéologie puis d'information. Puis les médias, ils rapportent seulement un narratif qui augmente encore plus cette division-là. Puis ça, je trouve ça dommage que les gens ne le voient pas plus clairement. Ils voient juste qu'est-ce qu'ils veulent voir. Oh, Trump, c'est un trou de cul, il va se faire destituer. Parfait, qu'il mange de la merde. Mais ils sont pas intéressés à savoir pourquoi puis sur quelle base. T'sais, je Exactement. pense qu'on est capable de s'entendre avec toutes les preuves puis tous les procès qu'il y a eu, qu'il y a définitivement eu une fraude aux États-Unis. Au niveau électoral, là, il y a beaucoup d'éléments d'information qui vont dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est un petit peu comme qu'est-ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021, où là, il y a plein de monde qui sont filmés à l'intérieur du Capitole. Bon, mais ben, ils montrent une partie de la foule qui peut être agressée, mais pendant ce temps-là, tu avais plein de monde à l'extérieur du Capitole qui manifestait d'une manière totalement pacifique. Tu sais, il suffit d'une minorité dans un groupe qui va casser, puis là, ils vont mettre ces gens-là de l'avant. C'est sûr que dans le cas de ce qui s'est passé, il peut y avoir des agitateurs, des gens qui sont infiltrés. Du côté des antifas, antifascistes aux États-Unis, qui infiltrent les rangs en se faisant passer pour des pro-Trump pour créer du grabuge, puis ensuite accuser les participants de Trump d'être une gang de violents. Tu sais, même à un point, t'as même plus besoin de ça parce que les gens sont tellement fâchés de ce temps-ci que peu importe qu'est-ce que tu penses, tu vas avoir des gens qui vont perdre le contrôle puis qui vont manquer de respect à l'ordre des choses. Fait que Oui, ben le climat moi, de ça m'étonne pas. crise, ben c'est sûr, eux autres sont sous tension aux États-Unis depuis plusieurs mois, là, depuis les élections. Puis c'est pas fini. Mais si on parle de la situation au Québec, que nous autres, on est plus affectés par la crise du coronavirus, quand ça fait plusieurs mois que les gens sont fragilisés par toutes les mesures sanitaires, la peur qui est véhiculée continuellement par les médias du coronavirus, ben ça fait des gens qui sont plus irritables, donc qui ont la mèche plus courte, puis qui peuvent facilement, plus rapidement péter les plombs. Exactement. Fait que moi, ce que j'ai l'impression qui va arriver, c'est qu'on va sans doute avoir une augmentation du nombre de cas de suicide, de dépression, de gens qui développent des problèmes de santé mentale importants, de pauvreté, d'itinérance, etc. Ah, certainement. Ça va être comme la crise économique de 2008, mais à plus grande échelle. Moi, j'ai l'impression que ça risque plus de ressembler à la crise de 1929, en termes ben, quoi que là, on a plus de filet social, je révise ce que je dis, là, parce qu'on a la PCU puis le paquet de mesures gouvernementales qu'il n'y avait pas en 1929. Oublie mon propos par rapport à ça, mais. On tombera jamais dans de la pauvreté extrême comme ça parce qu'il y a trop de ressources de disponibles. Puis la dernière chose que un système d'ordre mondial veut, c'est du chaos puis de l'anarchie. Fait que ça va toujours être prévenu pour garder la personne la plus anesthésiée possible. Le but, c'est de garder l'humain anesthésié parce que si tu perds le contrôle de l'anesthésie puis les gens se réveillent, tu perds le contrôle de la société. Puis une société anarchique, ça ne sera jamais autorisé. Parce qu'une société anarchique, c'est du désordre pas intelligent. Oui, sauf que si C'est du c'est grabuge. une opération d'opposition contrôlée, tu sais, il y a récemment un YouTuber, il s'appelle Claude Lafleur, puis il m'a allumé sur ce concept-là, que peut-être que le régime veut sciemment à ce qu'il y ait une opposition contrôlée qui soit entretenue de type chaotique. C'est un petit peu comme, par exemple, avoir des mesures très strictes par rapport à la menace du virus que représente le chaos ou la menace terroriste. Donc, le fait qu'il y ait une fois de temps en temps des attentats terroristes dans le monde, ben ça permet de justifier que la CIA ou des forces américaines espionnent les citoyens là, à travers le Patriot Act, puis les mesures de contrôle se maintiennent. Ça, c'est clair. Donc, autrement dit, le système peut se nourrir d'une forme de chaos, mais faut pas qu'en effet il devienne trop grand parce que le système s'écroulerait. Mais s'il y a un petit peu de chaos, ben ça permet de justifier sa légitimité. En disant, ben là, c'est à cause des gens là, qui ne suivent pas les mesures là, pour la lutte contre le coronavirus que ça va mal en société, puis là, il faut mettre plus de mesures encore. C'est à cause d'une petite minorité là, qui vont qualifier de COVIDiot ou de complotistes que il faut qu'il y ait des renforcements, des couvre-feux, puis Mais des. plus ils font ça, plus ils font ça, plus ils se tirent dans le pied. Il y a rien qui est en déséquilibre dans l'univers. Plus tu imposes des restrictions sur la liberté, plus il y a quelque chose qui va pousser dans l'individu à plus respecter ça. Fait qu'il y a un équilibre qui est bien sensible, que la politique sait très bien. Il faut qu'il aille très tranquillement, puis il faut qu'il aille toujours avec un sentiment où ce que ça va relâcher, parce que sinon les gens vont péter aux frettes. Oui, en effet, il faut qu'ils sachent jusqu'où aller pour pas que les gens, dans le fond, basculent puis se révoltent contre le système. Fait que là, moi, j'ai l'impression qu'avec l'histoire du couvre-feu, c'est qu'ils regardent à quel point les Québécois sont capables d'absorber ça pour voir s'ils sont capables d'aller plus loin avec d'autres mesures éventuellement. C'est de voir, j'ai l'impression qu'ils testent un peu, ils testent un peu la limite de la population là, pour absorber ces éléments-là. Oui. Puis jusqu'à date, ça va très bien. Ben oui, exactement. Il y a eu un point de presse après la mise en place du couvre-feu. Puis François Legault, il disait qu'il était étonné comment que les Québécois ont bien réagi à cette mesure-là, là, en général, là. Donc, ça ouvre la porte pour peut-être un couvre-feu plus sévère. Fait qu'on va peut-être à un moment donné, au lieu de 20 heures, s'il y a encore des cas, ça va être 18 heures. Puis à un moment donné, ben ça peut être toute la journée même que ça va être un couvre-feu. Puis ça va te prendre une autorisation spéciale pour sortir dehors pour. Dans le fond, un peu comme en France, là, faut que tu complètes des attestations qui justifient pourquoi tu sors dehors à tout bout de champ, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on n'est pas sorti du baril, mais tu as quand même, au fil de la conversation qu'on a depuis tantôt, amené des éléments intéressants. C'est-à-dire que l'individu s'occupe de lui d'abord, puis j'ai bien aimé tantôt l'exercice que tu as fait avec moi, puis les gens qui nous écoutent peuvent le faire aussi. Ben, c'est regarder qu'est-ce que vous pouvez faire présentement, justement, pour s'occuper de vous-même, tu sais. Ben oui, parce que c'est tout ce qui reste. Il y avait rien d'autre que ça. Puis c'est ça que je pense qui est dur pour les jeunes, surtout les jeunes qui vont s'en vont au cégep puis à l'université, d'en avoir une maudite gang qui font genre, qu'est-ce que je vais faire là? Je sais même pas si ce que j'aime va être encore disponible comme job. Fait que ça fait une Exactement. grande remise en question pour la population générale. Puis ça a peut-être généré quelque chose d'intéressant. Moi, je suis pas mal sûr que autant l'opposition va être forte, autant les ressources qui vont sortir de ça que les gens vont trouver vont être belles. Ben, moi, j'ai l'impression que, dans le fond, il y en a qui vont sortir grandis de la crise, si on s'en sort à un moment donné. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils vont sombrer puis ils vont virer dépressifs. Fait que ça. Parfait. Ouais. Parfait, c'est ça. Si de même ça marche, la vie. Et même avant la COVID-19, il y avait du monde qui était abandonné parce qu'il s'abandonnait. Fait que c'est la loi de la vie. T'as bien beau avoir les meilleurs amis du monde, si t'as pas de drive puis t'as pas de volonté, il y a personne qui peut te tenir sur ses épaules. Oui, surtout que le filet social s'effrite, dans le sens que si il y a plein de monde qui vit la détresse psychologique puis manque des psychologues, ben là, à un moment donné, les gens, tu sais, ils vont se ramasser seuls à eux-mêmes ou ça va être compliqué d'avoir des rendez-vous. Fait que là, ils ont moins de support. S'ils ont moins de support, ben ils vont peut-être plus sombrer, puis peut-être qu'on va se ramasser avec plusieurs cas de suicide dans les prochains mois, tu sais. J'ai hâte de voir ça, puis il n'en parle pas, hein. Fait que, Ben, c'est aux dernières curieux. nouvelles. Ben, c'est, dans les nouvelles officielles, ils n'en parlent pas vraiment. Là, pour l'automne, ils ont dit, il n'y a pas eu d'augmentation de cas de suicide. Moi, je suis assez sceptique là, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ils camouflent une partie de qu'est-ce qui se passe pour ne pas faire peur à la population. Je pense qu'il n'y a pas tant de suicides que ça, mais il y a beaucoup de détresse qui s'en va vers ça. Je pense pas que les gens sont déjà en train de se suicider là. Mais je pense que dans 2 ans, oui. Parce que là, c'est pas assez long encore pour dire que quelqu'un voit pas le bout du tunnel. Mais quand ça va faire 2 ans que t'es oppressé, là, puis t'as plus rien, puis tu peux plus rien faire de ce que t'aimes, puis t'es pogné, là, ça va être dur. Ça va être ceux qui vont toffer. Ça va être un peu comme du combat. Tu sais, moi, quand je fais des rondes en boxe thaï, tu vois toujours de quoi que le fighter est fait au quatrième pour au cinquième round. Un, deux, trois, là, il y a du bon cardio, il est capable, il est correct, là, il est capable de prendre des coups, il est capable d'en donner. Mais round 4-5, là, s'il a mangé un peu de volée, là, dans les rounds d'avant, là, que ça veut abandonner vite. Il n'y en a pas beaucoup qui restent debout puis qui continuent de se battre jusqu'à la fin. Fait que ça va être ça qui va être intéressant. J'écoutais une entrevue, ben les entrevues que tu fais avec Bertolt, je les écoute tout le temps parce que je l'aime beaucoup, Bertolt. Puis il disait, moi c'est drôle, mais j'ai l'impression que je vais être dans un monde qui va être plus cohérent avec mon être. Puis je suis d'accord avec lui parce que là, on s'en va de plus en plus vers la réalité. C'est qui a le plus de guts? Tu sais, dans le fond, ça va être ça, parce que là, tu peux plus impressionner tout le monde avec les médias sociaux, tu peux plus voyager comme tu voulais, tu peux plus t'exposer autant que d'habitude dans tes prouesses sportives ou des choses comme ça. Fait qu'on retourne vers l'essentiel. Qu'est-ce que t'es, toi, en tant que personne? Qu'est-ce que tu vaux quand t'es tout seul avec toi-même? Qu'est-ce que t'es quand les gens te félicitent pas? C'est ça qui est dur pour la population. T'sais, en général, le monde, il souffre de quoi? Il souffre d'aller dans les restaurants, se faire voir, parler avec du monde, des amis. Oui, des beaux échanges, mais c'est beaucoup de la parure. Puis là, tu peux plus t'exposer, t'es isolé. Fait que là, ta parure, si t'as pas d'identité, tu te sens pas bien parce que là, tu peux plus te faire donner des C'est compliments. ça, tu peux pas être supporté par le collectif. Exactement. Tout ce que t'as, c'est ton chèque de 900$ aux 2 semaines, puis t'es chez vous, puis trouve-toi de quoi à faire. Puis c'est pour ça que moi je pense qu'il n'y a pas tant de suicides que ça. Il doit y en avoir peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais pas assez pour dire qu'on fait des nouvelles avec ça. Mais dans un bout, quand beaucoup de gens vont avoir perdu leur job de façon définitive, puis qu'il n'y aura plus rien de bon pour eux autres qui les intéresse, ça va être un petit peu plus tough ça. Bien, comme tu dis, l'image est très bonne par rapport à, dans le fond, au Thai box, là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rounds où la boxe en général, c'est le même principe que au début, ben, c'est un peu comme quand on joue aux jeux vidéo. Au début, c'est facile, les premiers niveaux. Ensuite, tu passes au niveau 3, 4, 5, là, l'adversité augmente, c'est plus difficile. Puis là, c'est là que tu fais la séparation entre quelqu'un qui est un joueur amateur ou professionnel. Puis la différence, c'est quand que je fais l'allusion au sport de combat, c'est qu'il y a quelque chose qui se génère dans une personne ou qui se génère pas quand il est dans un combat avec des coups de pied, puis des coups de poing, puis des coups de coude, puis des coups de genou. Que quand tu es rendu, que tu es vraiment fatigué, il y a quelque chose qui émerge. Puis cette chose-là qui émerge, c'est une force qui est inébranlable, que même si ton corps est affecté, même si tu es fatigué, même si tu n'es plus capable de respirer, tu es capable de continuer pareil. Puis plus l'ego est exposé à cette force-là qui l'habite, qui peut prendre le relais dans des moments d'extrême difficulté puis d'extrême opposition, ben il est capable d'utiliser ça puis de se rappeler de ça puis de savoir que même quand la vie elle tape fort, même quand c'est dur, il y a toujours quelque chose qui va renaître de ça. Mais il faut le vivre pour le ressentir parce que c'est pas quelque chose qui se prouve scientifiquement, mais je pense que c'est quelque chose qui se prouve de beaucoup de gens qui ont vécu des moments de difficulté extrême, Ben, des passages de à vie travers extrêmes. l'expérience que m'en est, parce que dans le fond, tu m'avais fait vivre, là, je peux le remettre en contexte pour les gens qui nous écoutent. Toi, tu t'occupais d'une salle d'entraînement que je fréquentais, puis à un moment donné, tu m'as amené à courir par intervalle au niveau du jogging. Et tu sais, tu m'as poussé pour continuer, même si j'avais des douleurs dans le corps, même si je transpirais, j'avais chaud, je me sentais pas bien. Tu me disais non, continue, ton corps est capable. Puis finalement, mon corps a été capable, puis j'ai continué, tu sais. Ben oui, puis tu t'es mis à aimer ça en plus. Exactement. Puis là, c'est sûr que c'est un des aspects qui manque depuis le début du confinement au mois d'octobre 2020, là, c'est-à-dire que les salles d'entraînement sont fermées, puis là, je peux pas courir à l'intérieur. C'est sûr que j'étais confortable hein, avec l'appareil, puis tu sais, c'est en caoutchouc. De courir dans la rue, surtout l'hiver, quand il y a de la glace, là, c'est un peu plus risqué. Donc, mais bon, je marche là, t'sais, je compense en marchant, là, à défaut de rien faire. Mais t'sais, en tout cas, bref, l'expérience que tu m'as fait vivre, où tu m'as amené à pousser à fond mes capacités physiques, je t'en suis très reconnaissant parce que tu m'as permis de découvrir un aspect de moi-même que je connaissais pas. Ben, c'est ça. Puis l'esprit, c'est là qu'il est. Dans le sens que l'esprit, il est dans quand que l'ego, il est démuni de moyens, puis t'es obligé de faire confiance à quelque chose d'un petit peu plus vaste que lui. Tu sais, dans le fond, ton corps, tu penses qu'il va sauter, puis là, il y a quelqu'un qui dit non, non, inquiète-toi pas, j'ai déjà vu ça, c'est correct. Puis là, tu passes par-dessus ça, puis tu fais comme hé, eh, je suis correct, tout va bien. Ça court. Ça Exactement. court. Fait que C'est ça plus moi m'a. qui cours, ça court tout seul. Tu sais, ça court tout seul, ça se bat tout seul. C'est ça, c'est automatique. Fait que ça m'a amené à dévoiler cet aspect de moi-même qui était occulté avant que je vive l'expérience. Puis c'est ça que je pense que on devrait profiter, c'est de toujours faire quelque chose d'un petit peu plus dur qu'hier, tu sais. Toujours se challenger de façon créative, pas de façon compétitive. Puis c'est ça qui rend, je pense, l'être humain réellement bien dans sa peau, c'est quand il est toujours capable de travailler sur quelque chose. Il y a toujours quelque chose à travailler, à perfectionner, à raffiner. C'est pour ça que moi j'apprécie autant la cuisine puis les activités physiques, c'est parce qu'il n'y a jamais de limite. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu peux créer. Fait que ça rend la vie très, très intéressante. Tandis que si on n'a pas, on regarde les gens vivre à travers des écrans au lieu de vivre ce que les gens font dans les écrans, ben on passe à côté de la vie. Puis c'est ça qu'on voit là avec la société qui est très informatisée. Beaucoup de gens vivent à travers les autres, à travers les écrans, puis ils construisent une réalité puis une bulle à partir de ça, puis ils se coupent sans le vouloir de ce qui est vraiment réel. Tu sais, puis c'est normal parce que quand t'es pas athlétique là, commencer à faire du sport c'est une abomination, c'est une réelle honte là. Tout ce que tu ressens c'est du mépris envers ta personne, puis de la fatigue, puis de la douleur, puis y a rien de bon là-dedans. Là, tu sais, mais quand tu pousses tout le temps puis il commence à se créer quelque chose, une structure solide, une fondation solide dans ton être, ben tu réalises que cette fondation-là, elle se construit tout le temps, puis est toujours en train de s'élargir, puis d'augmenter en magnitude, puis ça devient un travail de vie qui est très, très, très intéressant à poursuivre, puis ça élimine l'ennui, ça élimine la solitude, ça élimine tous les problèmes psychologiques de l'individu, parce que il est dans son point zéro. Quand tu es dans ta créativité, tu es dans ton point zéro. Tout se fait tout seul. Maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Maximum d'efficacité. Parce que c'est naturel. C'est ce que tu aimes. Donc, tu le fais, puis le temps passe vite. Tout se passe correctement. Puis, tu as toujours des réponses à ce que tu as besoin. Mais c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Mais j'en suis conscient que ça a l'air d'être pas mal plus facile d'en parler que de le vivre. Moi, j'ai pas de mérite, je vis ça depuis des années, j'ai toujours fait ce que j'aimais, moi. J'ai jamais fait des affaires que j'aime pas. Puis j'ai toujours été stratégique dans mes jobs, comme toujours travailler dans des gyms ou des choses comme ça. Comme ça, dans des situations comme aujourd'hui, ben moi, je peux m'entraîner tout le temps. Je me Oui, suis parce que surtout, positionné pour pouvoir continuer de faire ce que j'aime. c'est T'sais, fait ça, que j'ai surtout jamais de t'es, problème. c'est ça, surtout t'es très autodidacte aussi, là. Tu apprends par toi-même, tu vas explorer des exercices, fait que c'est quand même très intéressant. Écoute, étant donné que le temps file, puis ça fait à peu près 2 heures de temps qu'on discute, je voudrais conclure avec toi l'entretien d'aujourd'hui. Donc, en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire là-dessus. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis ceux qui vont écouter ça, ben, continuez de vous respecter. C'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Oui, exactement. J'invite les gens à se respecter puis à s'écouter eux d'abord, pour ce que les médias officiels, les médias alternatifs disent, mais écouter qu'est-ce qui émerge en eux en priorité, naturellement pour amener les gens à eux-mêmes. Et écoute, Olivier, je te remercie pour cette conversation qu'on a eue. Donc, ça m'a amené dans une vibration là, intéressante. Et puis, ça m'a fait changement là, des gens anxieux, des gens là, remplis de peur là, qu'on voit dans les médias officiels. C'est toujours un honneur pour moi, pareillement, mon ami. Bon, ben, excellent. Donc, c'est ce qui termine et je te dis à bientôt. Au revoir. À bientôt.